Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast spécial Noël! Holy shit! L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Crombe, le numéro 21, Dave Thibodeau, et le numéro 31, JF Mallette. L'équipe réduite ce soir. Réduite. Malheureusement, il n'y a pas juste la Ligue nationale qui est affectée. On a, nous autres aussi, été touchés par les oreillons. Asti de rayon à marbre. Il y a Mart ce soir qui joue à l'étranger. Mark est probablement en ce moment dans un autre état. Dans un état second. Il y a Alex qui est malade. Alex Galipo, prompt rétablissement. Alex, soigne tes oreillons. Puis mon frère qui est encore LT Scratch, on sait pas ce qui se passe. Bon, lui, il est jeune, hein, fringant, c'est ouais. ça? Ouais. En tout cas, c'est le gros party ici, là, comme vous pouvez voir à l'écran, ceux qui nous écoutent en direct. C'est-à-dire personne. Probablement personne. Tout le monde est à Monsieur Net ce soir. JF a amené de quoi de spécial pour le show, vu que c'est Noël aujourd'hui? Ben oui, pour tout le monde. Joyeux Noël. Une petite Jaina Jameson. Yes, sir. Une petite bouteille de Jaina Jameson à soir. La snatch. Ouais, à soir, on boit Jaina. Ouais. On va boire du Jaina. Hey, venez nous rejoindre sur Twitter, @ Soirée du Podcast, Facebook, la Soirée du Podcast. Suite, là. Drette, là. Live. Non, mais moi, je vous invite à nous tweeter pendant les games de hockey. Les gars, vous êtes pas mal actifs. Alex aussi, moi, de temps en temps, là, c'est cool. Le monde a commencé à nous parler, c'est le fun. Oui. Il y a de plus en plus de fans qui nous tweetent, puis soyez pas timides, là. Non, je vous callerai pas. Non, peut-être, là. Peut-être qu'on va tous vous caller, un après l'autre. Tu parles des allées au téléphone ou les callés out? Les callés out, ah, là. Surtout le gars qui m'a comparé à JC Lajoie. Ouais, en fait, plus jamais ça. Hey, ça, c'est un... Ah non, je n'ai broyé une shot. Comment? Tu n'as quoi? Je n'ai broyé une shot. J'ai compris, je n'ai broyé une shot en voulant dire que c'était en dormant. Non. Bon, ben, on va faire l'avant-match. Yes, sir. All right. Bon, ben, aujourd'hui, comme c'est notre spécial Noël puis qu'on n'est pas beaucoup, c'est un petit peu plus lousse là, que d'habitude. Bon, c'est pas très serré d'habitude non plus, là. Mais voilà, c'était mon commentaire. Avez-vous de quoi dire, les gars, avant qu'on commence le show officiellement? Des trucs à parler. C'est quoi qui est écrit sur la feuille déjà? Il n'y a rien dans l'avant-match, c'est comme libre, c'est période libre aujourd'hui. Période libre, c'est une période de réchauffement. Ouais, ben d'ailleurs, parlant de réchauffement, on commençait avec ce que JF nous a amené. Ou... Ben oui, pourquoi pas, pour la santé. Ouais, ben on va se caler un petit shooter de Jameson pour commencer le show. Je vous souhaite une bonne année, puis un joyeux Noël, les gars. Tout le monde, les auditeurs aussi, joyeux Noël. Joyeux Noël, vous invite à faire des shots tout au long de notre épisode. Ben oui, j'en ai pas. Buvez un bon petit gin, là. Oh! J'ai pas de fun en ce moment. Ah, mais le Jameson se boit quand même bien. C'est pas spécial. Faut que tu prennes une gorgée de bière après, ça passe. Un bon chasseur de bière. Je vais essayer ça. En tout cas, ça te débloque le nez. Non, mais le Jameson, ouais, c'est un whisky qui est quand même doux, là. Oh, oui, il est pas, c'est pas comme un petit gros Jack Daniels. Il me semble que c'est plus rough. Sinon, on n'aurait pas toffé jusqu'à temps. Non, Jack Daniels, je l'aurais probablement recraché là. Hey, tu sais, le gros Jack, de toute façon. Jack à l'amande. Qui mange l'amande. On parle de... Ben, de Jack Daniels pis tout. Là, on a l'avant-match là, présentement, là, on parle de rien et de tout à la fois. On est lousse à l'envers. Hein? Ouais, non, mais moi je suis lousse de même. Je fuck les conventions. On inverse tout ça là. Ouais, mais justement, je me suis promis que je parlerais pas contre les Coréens aujourd'hui. Fait que je m'abstiens. Contre les Coréens. Ouais, surtout ceux du Nord. OK, ouais, pour The Interview, tout ça. Ben oui, ouais, j'étais en tabarnak à cause de ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ils étaient où ces gars-là quand le film Batman and Robin est sorti? Hey, ça m'a traumatisé, ce film-là. Schwarzenegger en bleu, Chris, on dirait un schtroumpf, c'est stéroïde. Hey, ice to see you. Freeze, everybody. Hey, lui, il a tué Freeze là, pour Mr. Freeze pour toujours. Là, Schwarzenegger, ouais. C'est fou. Là. C'est probablement son accent qui l'a tué en partant. Freeze everybody. Freeze everybody. Pour ceux qui nous écouteraient en direct, comme on a dit, c'est-à-dire personne, ou ceux qui nous écouteraient... Il y en a un! Oh, hey! Oh, bonjour, salut, bienvenue, toi, t'es mais ceux qui nous écouteraient en vidéo, on a mis une belle game d'occasion sur la télévision aujourd'hui. Alors, le Canadien contre l'Armée Rouge, 31 décembre 2075. 2075! 2000 quoi, là? Oh, ça, c'est récent, ça s'est passé l'année passée. Écoutez, le Canadien qui se poigne contre les Russes. Je suis déjà tanné. Non, bon, écoutez, si vous avez rien à dire pour l'avant-match, on va faire des petits shout-outs comme ça qui n'ont pas rapport du tout au hockey. Je vais faire un shout-out à Bruno Georget de Monsieur Net et de Rétro Nouveau, mon collègue, qui présentement tape la dernière émission de Monsieur Net. Fait que props à Talbot et toute sa gang pour 16 ans en ondes, 26 ans en ondes pour Talbot lui-même. C'est plate. Ils ont peut-être quelques fans de plus que nous. À peine. L'autre fois, ils ont fait un live, là, Talbot, son premier live, après qu'il y a eu l'annonce que c'était fini, puis il y avait comme 2000 personnes live. Là. Nous autres, quand on poigne 5, on est tout énervés. Alors, on va blâmer ça sur le temps des fêtes, puis les gens avaient des parties ce soir. Là, non, puis tout le monde est à Monsieur Net de toute façon. Là. Non, mais. Ouais, puis un couvre-feu parce qu'ils auraient encore des hauts. Ouais, c'est ça, petite attention. Puis deuxième shout-out de lutte. Dave, je pense que tu peux embarquer avec moi là-dessus. J'aimerais faire un shout-out à deux personnes de la NXT, le club école de la WWE. Oh ouais, c'est WWE NXT dans WWE le fond. WWE NXT qui est le camp de développement un peu, c'est comme une fed indépendante. Kevin Owens qui vient d'arriver. Qui, a.k.a. Kevin Steen, lutteur québécois, puis également Sami Zayn, a.k.a. anciennement El Generico, devenu champion de la NXT. Félicitations à des gars. Je sais qu'ils nous écoutent là, présentement. Là. C'est sûr. Ben, les gars, félicitations pour ce que vous êtes rendus. S'il y a bien des gars au Québec qui méritaient de se rendre là. Non, mais c'est fou pareil. Là, pour ceux qui ne suivent rien de tout ça, c'est deux lutteurs québécois qui étaient dans des fédérations indépendantes du Québec avec qui on a eu la chance de lutter. Ouais, puis là, peut-être 10-12 ans, là, on était avec eux autres pendant des années. Puis ces gars-là, tu voyais qu'il y avait déjà un potentiel plus grand, puis il y avait un talent là, vraiment fort. Puis les gars sont rendus au top. Puis. Même ceux qui n'écoutent pas la lutte, vous allez connaître leur nom bientôt. Je suis pas mal certain de ça. C'est clair, ça va être des stars. Là. Un peu comme le monde qui connaissent The Rock puis Hulk Hogan sans vraiment écouter la lutte. Ça, d'après moi, ces gars-là ont le potentiel de changer le visage de la lutte comme c'est. Ils vont ramener ça comme un peu plus classique. Ouais. La lutte pure. Là, la vraie lutte. Là. Pas du parlage pendant 20 minutes pour faire un stunner. Ouais, j'ai décroché pas mal à cause que c'était souvent ça. Là. C'était juste du blabla. Quoique, Stone Cold était quand même cool. Il y a une belle époque de Stone Cold. Ouais. Il faisait plus que juste faire un stunner là aussi. Là. Ouais, il faisait deux stunners, puis il sautait sur le gars comme un cheval, puis il faisait des punches. Genre de Bronco Buster, mais debout. Là. Genre, là. Puis il faisait des leg drops. Avec un e-brace. Non, mais il faisait des matchs contre Vince McMahon, puis McMahon, il sautait de la 3 sur des tables comme un esti de fou à 50 ans. Là. McMahon, il était probablement plus vieux que ça, en plus. Ah, oh, probablement. Il va avoir comme joueur 60. Il doit avoir 88, là. Il doit être mort, McMahon, présentement, puis il est juste empaillé, là. C'est un robot, je veux dire. Un robot, il existe même plus. Ah, voilà. Terminé. La belle époque, l'époque attitude. Mais trêve de bavardage et de plaisanterie, tout ça. De toute façon, c'est pas un podcast de lutte, pis c'est certainement pas un podcast de baseball. This is not fucking baseball! This is not fucking wrestling! Fait que sur ça, on va commencer la première période. Calice! Et voilà! On l'a! Juste pour vous dire que l'iPad, on va à la retraite bientôt. Oh! Je vais négocier quelque chose pour avoir un nouveau iPad parce que ça n'a plus de sens. Là. Ben non, c'est fini. Tout arrête ce qui rappelle chose. C'est dépassé, ça. iPad 1! Je peux même plus l'updater tellement qu'il est vieux. En tout cas, sur ça, on va commencer. Alors, commençons comme d'habitude avec nos plus et nos moins des derniers matchs. Fait que, JF, ton plus ou tes plus, en fait, tu peux en faire plus qu'un, on est juste trois. Fait que... Ben, je pense que depuis le début, je n'en ai parlé. Galchenyuk au centre. Ouais, il y avait Alex. Ben, j'en parlais avec toi pas mal. Là. Ouais, c'est ça, on était d'accord là-dessus. C'est de valeur qu'Alex n'est pas venu parce que j'ai justement mis ça dans la face, Alex. Ouais, Alex d'ailleurs qui nous disait tantôt que son plus c'était Galchenyuk au centre, lui avec. Là. J'ai essayé de se racheter, ou je sais pas trop. Là. Non, c'est ça, mais l'avez-vous vu patiner quand il monte la rondelle, tous les faits saillants. T'sais, à part, mettons, la game contre LA parce qu'il checkait bien gros, là, sa game contre la Caroline. Il a joué, je pense, 4 games au centre à date, une affaire de même. Ouais, pas beaucoup, là, mais. Ouais, c'est ça, 4 puis games. Puis là-dessus, il y a une game qui n'aurait pas fait grand-chose, puis je pense qu'il y a comme 5 points, une affaire de même. Là. Comme 4-5 points. Ouais, il a fait une passière en plus. Une passière, donc c'est ça, je pense que 5 points en 4 games. Il a fait un hat-trick aussi. Fait que. Ça non, après, j'ai-tu compté. Ouais, 5 points avec le hat-trick. Ouais, c'est ça. Il a fait un point à son premier match. Il a fait trois buts à son troisième match. Puis trois crises de buts, c'était pas des taux de chaleur. Non, c'est ça. Puis il a fait une passe sur le dernier but, fait qu'il est rendu à 5 points en 4 matchs. Donc, fait que ça, c'est super. Puis ça, ce n'est que le début. Puis mon autre plus, je dirais que Nathan Beaulieu, je pense que on peut vraiment dire qu'il peut rester avec le club. Le gars, il bouge bien à rondelle. Puis Chris, je suis content qu'Allen puis Weaver jouent pas à soir. Mais pas à soir, mais je veux dire, depuis un crise de bout. Allen, il y a eu le flux à un moment donné. Qui est Allen? Allen, je le présenterai avec Claude Giroux à Allen. Qui se mouche après. Qui se mouche dessus. On en reparlera en troisième. Ouais, mais qui mange la main. Ouais, fait que, ouais. Je sais pas, il y a des affaires qui vibrent sur la table présentement. C'est pas moi. Ouais. Je vais en profiter pour dire que Nathan Beaulieu joue très bien et qu'il a une belle coupe de cheveux. Coupe Longueuil! Non, ouais, Beaulieu, quand même, là, il va finir par se placer. Il est encore jeune. Fait que c'est ça, il faut lui donner du temps de jeu. Là. J'aime, comme on l'a dit, au fond, moi, j'aime bien mieux voir Beaulieu faire une erreur que de voir Allen faire une erreur. Là. Ouais. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport à Galchenyuk. Si tu veux que les jeunes apprennent, il faut que tu les mettes en position pour qu'ils apprennent. Si t'es mess, si t'es calice, t'apprendras pas le rythme puis le jeu de la Ligue nationale si tu joues dans la Ligue américaine. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. La réalité, c'est ça. C'est que la Ligue américaine puis la Ligue nationale, c'est deux ligues complètement à part. C'est une bonne façon d'apprendre la Ligue américaine, mais quand tu veux te rendre à un autre niveau, ben c'est dans la Ligue nationale que t'apprends après ça. Tu peux pas apprendre dans la Ligue américaine ce qui se passe dans la Ligue nationale. C'est pas le même jeu, le rythme est différent. Faut que tu vives avec tes erreurs. Là, c'est ça, puis ce que tu dis me fait penser à quelque chose. J'ai lu un article cette semaine sur le père de Galchenyuk. Avant la game contre la Caroline, il écoutait des vidéos pour voir où ce que Pacioretty se plaçait sa glace. Le père de Galchenyuk? Non, il dit que son gars regardait ça. OK. Le père a dit ça de Galchenyuk. De Galchenyuk. Fait que le gars, il a 20 ans, tu vois, il veut vraiment apprendre. Tu sais, avant ça, t'aurais pas vu les jeunes se forcer de même. Tu sais, on s'en fout, on joue au hockey, on y voit que le talent, mais le gars, il veut vraiment s'améliorer et être le meilleur là, dans le domaine. Là. Mm-hmm. Fait que là, un plus pour Galchenyuk. Pour un gars de 20 ans, il est bien mature. Je suis bien content. Il a juste 20 ans, Galchenyuk, en 20 fait. Ans ouais, 20 ans seulement. C'est le premier. C'est le premier joueur depuis Le Beau. À compter un hat-trick en si bas âge. Dans le fond. Ouais. Ben lui, j'en avais des 4 pour 7 de Le Beau. Le Beau l'avait fait à 19 ans en 80, je me souviens plus de quoi. 93 probablement, il était ça fait un ouais, dans ce temps-là. Là. Ça fait un bout. Là. Ouais. Fait que c'est le premier joueur depuis Le Beau à compter un but. Ça fait comme 22 ans après que c'est pas arrivé. Là, faire un hat-trick en si bas âge. Chris, on est rendu vieux, c'est pareil quand tu penses ça. Là. Ben oui. T'es cœur. Hein, Stéphane Le Beau, lui, il a jamais fait NHL. Mais c'est notre lit de mort, Rusty. Le jeu NHL. Ouais, le jeu NHL, pas la ligue, mais le jeu. Le Beau. Je pense qu'il est pas dedans pendant tout. Ah, il devrait avoir un overall de 63 de lui-là. T'es hâte, Le Beau. T'es hâte, Le Beau. Comme Brian Bellows. Brian Bellows, speed 2. Dans les NHL, il était dégueulasse. Il a une belle coupe de cheveux, Le Beau, man. Ouais. Dave, besoin que ton ou tes plus Je vais aller dans le même sens. Là. Plus Galchenyuk pour enfin l'avoir essayé au centre, mais pas juste ça. Merci, Michel. Enfin l'avoir gardé au centre et en espérant que 2-3 mauvais matchs vont pas le ramener à l'aile sur un deuxième trio. Okay? J'espère au moins que t'as rien compris. Parce que il est mieux de comprendre. Ouais. Ben t'es mieux de comprendre que si tu le laisses pas. Il est mieux de comprendre parce que sinon si ça rentre bien ça a l'air. Non, t'as pas le droit de call out, t'es rien là. Ben, ouais, c'est si oui. Ouais, ok, t'as le droit de call out. Call out, mais faut que tu prennes un shooter. Ben, je vais attendre un peu. Parce que pour le moment, je suis content de ce qu'il dit. Non, mais tu sais, j'espère juste qu'il va le garder. Puis tu sais, je veux dire, on va avoir une meilleure idée de ce que Galchenyuk peut faire au centre, pas après 5, 6, 8, 10 matchs. On va l'avoir après une demi-saison passée à cette position-là où ce qui va vraiment avoir fait des erreurs, mais avoir également fait du bon. Ouais, ça, tu peux pas jouer présentement, un joueur pour 3 en 5 games, j'ai dit 4 games. 5 points en 4 games. En 4 games, il y a eu une mauvaise game. Fait que je pense que... Ouais, mais c'est pas juste lui qui a une mauvaise game. Il y a eu une mauvaise game, OK? Hein? Une mauvaise game. Tu pointes ça comme... comme Mario Tremblay. Quand il compte ses doigts, il pointe le finger en premier. Hein? Un point numéro un. Puis deuxième plus, je vais le donner... Je suis comme nerveux, là. Je vais le donner à Sven. Oh! Sven. Ghetto Blaster. Ouais, André Ghetto. André Ghetto, comme dirait Maguire. André Ghetto. 98.5. encore lente. Non, il est meilleur que moi. Danny Dubé et McGuire, on n'a pas des, vraiment des droit à eux autres. Ouais, mais c'est pas grave, je le trouve tellement haut. On dirait qu'il le prononce comme à l'anglais. C'est comme ça serait, mettons, Andrew Guedo. Mais il dit en français, Andrew Guedo. ça marche comme pas. Puis après ça, tu sais, t'as comme Dubé, puis t'as McGuire qui le disent un après l'autre, puis t'as Dubé qui dit Andrew Guedo. Puis tout de suite, après ça, t'as McGuire qui dit Andrew Guedo. Là, c'est comme, j'écoute ça à la radio, puis ça marche pas dans mes oreilles, là. C'est pas bon, là. Ça sonne faux, là. Mais tout ça pour dire que je donne un plus pareil, là. Ben, il y a une affaire, j'ai pas c'est compris, pas à cause là. De son nom que oh, on donnera pas un plus. La gang contre la Caroline, là, Negretto, il a commencé sa quatrième ligne. Ah, mais... C'est... Hein? J'ai compris Negretto. Hein? Ça sonnait vraiment bizarre à mes oreilles, ça, là. Andy Gretto. En tout cas, peu importe. Là, Andy Gretto. Le Suisse. Il a commencé sa quatrième ligne contre la Caroline. Je l'ai pas compris pantoute. Ouais, ça, c'était parce qu'il voulait l'envoyer dans la Ligue américaine, d'après ben moi. Ben oui, puis on préférait jouer de Tangredi. Ah, c'est vrai. Ça vient moins. Du tout et ça, t'es rien. Non, mais vraiment. Le doigt dans les pieds. Le pire, c'est qu'ils l'ont rappelé pour jouer. T'es posant. Le doigt, elle fait peur. Oui, tu veux pas ben c'est normal parce que Tangredi, il a fait de la merde sti. On va en parler d'ailleurs. Est-ce que Enriqueto a fait la différence contre les Ducks? Pas à sa quatrième. T'aimes-tu mieux avoir Dale Weiss à deuxième ou Enriqueto? Enriqueto. Puis Dale Weiss à la 4. C'est ça. Fuck Tangredi, numéro 17. On en reparlera tantôt de tout ça. Là. Sur deux étapes, là, les gars. Là. Vous êtes des moins, on fait nos plus. On fait des teases. Je vais donner on un plus. On gâche tous nos punches. Ouais. J'ai pas le choix de donner un plus à Galchenyuk, moi, avec. Là, pour Galchenyuk au centre. Le podcast va être plate à soir. On peut pas. Attends, on va commencer, moi. De voir Jeff, ça sera un shot. Ouais, Galchenyuk au centre, bravo pour ton hat-trick. Un bon jeune, là. Elle l'aime bien. Un hostie. M'a dit comme mardi, ce gars-là a tout un shot, man. Ouais. Probablement, puis tu sais, je veux dire, Pacioretty, c'est un one-trick pony. Ben, on a vu, non, parce que Chris Pacioretty a fait des hosties de beaux jeux. Pacioretty, c'est pas un one-trick pony. Ça que j'aime. Non, c'est pas un one-trick pony, mais il faut beaucoup miser sur le tir de Pacioretty. Mais je me demande si Chris Galchenyuk a pas un aussi bon, sinon peut-être même meilleur shot ben, peut-être, que Pacioretty. Ben, il y a des soirs, ça va être Pacioretty qui va scorer, l'autre soir, ça va être Galchenyuk. Les deux sont complètement là. C'est un tellement beau duo. Hey, moi, là, Gold Chenyuk. Hey, moi, Gold Chenyuk, ouais. Présentement, Gallagher, je le verrais peut-être aller essayer de rallumer un autre trio, puis je calisserais peut-être C4. No! Pourquoi pas? J'aimerais ça voir. Ça prend des gars de talent, sa première ligne. Il est vite, le gros calice. Un excellent segway, ça. Ouais. Je m'en donnais un autre plus à C4, moi. Bon, oh, je l'aime bien, il ralentit pas. Donne tout ce qu'il y a tout le temps. C'est un des joueurs que tu remarques le plus avec le CH en attaque. Bien content pendant que Jeff fait son shot de Jameson. Comme un king. Jeff, il vient de faire un shot comme tout seul, comme en silence dans le coin. Ah, je vous invite si vous voulez. Ouais, puis je vais donner un troisième plus à Sven, moi aussi. Quelle entrée dans la Ligue nationale quand même. Puis pour Sven, c'est le premier joueur depuis Pierre Mondou des années 70. Pierre Mondou! Ouais, ben c'est ça, j'ai lu. Je m'en souviens plus quelle journaliste qui a sorti ça. Pour moi, c'est monsieur, comment il s'appelle, donc Gabriel Lefrançois ou whatever. Là. C'est la première recrue qui a fait 3 points en 3 games depuis Pierre Mondou en 77. Il me semble que plus ça va, plus on cite des vieilles affaires là, pour ce qui se passe en ce moment. Je sais même pas c'est qui. Pierre Mondou, c'est lui qui a fait les magasins pour animaux Mondou. Là. Ouais. Il était dépisteur bleu canadien, puis il a repêché juste de la merde. À soi avec la merde de chien. Voilà, ça fait le tour du sujet. Hey, c'était un beau segway. Hey, c'était magnifique, un segway dans un tas de merde, là. Avec une belle boucle. D'accord. Hey, il m'a donné un plus à sa cou, parce que Martin n'est pas là. Oui, Sakou. Il a juste passé. Il a juste. Martin ou Sakou? Ouais, Martin, là. Sakou, puis tout le monde. Ils ont juste passé. Non, non. Mais de toute façon, on va en parler tantôt de Sakou. Ouais, parce on a un segment dédié à Sakou. Ouais, on passe deux périodes juste sur Sakou tantôt. On dit rien. On chiale sur le fait qu'il parle pas français. C'est ça. Vous pouvez arrêter d'écouter après la première période. le troisième, puis la deuxième, puis la troisième. C'est juste de la merde. Bon, ben, on va commencer parlant de marge, hein, mais excellent segue. Faisons nos moins pour la période du podcast. Qu'est-ce que je nous vends bien? Jeff, faisons que t'es moins ton témoin. Ben là, je voyais la Alexis Yamlin. Ah oui? Il me tombe ses nerfs, c'est un assez de sa pas de bon sens. Il est pas génial. Non, Esti, on dirait qu'il tient son bâton génial. Mollement. Il frappe pas. Il l'a joué mollement. Il joue-tu à droite, il joue-tu à gauche, il est mêlé au bout. Tu fais mal pareil, Papi Gunshot. Il est pas dedans pantoute. Ce gars-là, on dirait vraiment qu'il est sa dope solide. comme René Bourque. Ouais, mais il est sur la dope, mais tu sais, une dope qui il est sur le downer. Ouais, qui cause une dépression. Ouais, c'est ça, ça fait l'effet contraire sur lui. C'est pas bon pantoute, là. Et quand il fait une erreur, il est comme. Tu sais, il est au ralenti, ce gars, c'est incroyable. Mais honnêtement. Ça pas un quotient à jouer, ça. Je le remarque. Je remarque rien de bon de lui. Non. Je vois plus rien d'intéressant de lui. Je vois plus de mise en échec. De feu, c'est vrai. Il y a plus rien d'intéressant. Il est comme au nerd. Il fait fuck all. Je le remarque. Tu sais, d'habitude, quand tu dis que tu remarques pas un défenseur, un défenseur défensif, quand tu le remarques pas, habituellement, c'est bon signe. Mais lui, je le remarque pas, mais dans le mauvais sens, parce qu'il fait rien de bon, man. Avant, je le remarquais parce que, man, il gelait le monde, man. Oh, ouais. Ben, je sais pas. Open ice ou d'un coin, n'importe où, il gelait tout le monde. D'un code, d'un là, tout il fait rien. Il fait. Es-tu blessé? C'est pas une excuse. Non, mais... je pense pas là qu'il soit blessé. Ah, il est mais... blessé, est-ce que t'es deux oreilles? Ben, c'est non, clair, ça y est, un autre. Ben, vraiment, là, ma question est la suivante. La filière russe. Avez-vous vu la vidéo de Tenordé qui a ramassé un gars puis il a pété à gueule au gars qui voulait le défendre à Hamilton? Ça, c'est ton frère Alex Crum qui l'a posté. Je sais pas, j'ai vu ça. Hey, il te l'a ramassé comme un train, là, solide. Je n'ai entendu parler, je l'ai pas vu. Par ah, c'était écœurant. Je vais le poster sur notre page Facebook. Ouais, poste-le. Et puis, ouais. Il a ramassé un gars comme un train, puis après ça, il y a un gars qui voulait le défendre, mais il a pété à gueule. Il a cassé de voler. Moi, je l'ai entendu parler. Moi, je pense que Tenordé va être meilleur que Emlyn. OK, c'est en ce moment, ça, Tenordi, là, que tu penses, c'est quelque chose de ça, c'était la game, okay. Je pense, c'était hier soir. Tenordi, un autre que je comprends pas. En tout cas, ben, tiens. Mais ça revient à notre incompréhension de pourquoi ils font les vieux croutons et ils ramènent pas les jeunes. À Montréal, là. C'est le même. À Montréal, on a peur d'avoir peur. On a peur de donner la chance aux jeunes. On a peur de les mettre de l'avant et les faire faire des erreurs. Pourquoi on a peur de même? Pourquoi on a peur? Parce qu'à Montréal, c'est important de faire les séries. C'est important de se rendre loin, c'est important, man. C'est le nom, man, du Canadien. Tu peux pas faire n'importe quoi à Montréal. Faut que tu fasses les séries. Fait que pour faire les séries, tu joues safe. Tu joues safe, t'engages des Gonchar pour remplacer genre des Tenordi, des Beaulieu. T'engages des Allen pour remplacer. Gonchar, j'ai quand même rien à dire contre. Non, Gonchar, non. Allen, j'en ai Allen, plus. Allen puis Weaver cette année sont. Ben, Allen. J'en parle même pas, mais Weaver, tu sais, il est pas l'ombre de ce qu'il a fait l'année passée. Il a dû prendre sa retraite l'année passée. Il est commotionné en plus, Weaver, là, récemment. Là. Il y a une commotion. Oh mon Dieu, j'ai manqué ça. Ouais, j'avais ça dans mes notes ici. Commotion pour Mike Weaver. Il a-tu passé le test? Il a passé le PATSCAN à sa cou, là. Puis, je sais pas s'il a passé le test. Le PATSCAN, ouais, non. T'as d'autres moins, GF, toi, ou. D'autres mois, c'est vraiment juste les mines parce que je trouve que la séquence qu'on a eue depuis le dernier podcast, on a très bien performé. Fait que chapeau. Non, ça a quand même bien été. Là. À part Yemlin, garde, ça fait dur, mais sinon pour le reste, je suis très fier de notre club. Dave, quand il rote pas dans le micro, il se mouche à côté. Il reste à prendre le chandail du ref au moins. Il n'y a rien qui se mouche mieux qu'un chandail d'arbitre. Là. Ben d'abord, pendant que Dave, c'est moi, je vais le faire mon moins. Je pourrais donner un moins à Subban encore. Je vais donner mon moins à. Non, mais. Vas-y. Subban, malgré qu'il a fait un but, je trouve qu'il s'est encore pas placé. Là. J'attends encore beaucoup de lui. Là, pis... C'est toujours le meneur des revirements. Il donne pas ce qu'il devrait nous donner. Non. Mais je pense que ça va. Ça peut changer. Moi, ça va se placer. C'est un moins, mais tu sais, il a. En parenthèse, mettons. Là. C'est un moins, mais avec une petite tendance vers. C'est un moins au chocolat, ça. C'est un B moins. Mais ben pour un gars qui est vraiment. Pour Subban, c'est pas bon du tout, là, mais il s'en va vers une saison de 51 points. Là. Imagine s'il serait bon. Pas s'il serait bon, s'il serait meilleur. Ouais. 51 points, tu penses qu'il va faire? Il est rendu à combien? Ben, avec la tendance, la moyenne. Il est rendu déjà à proche 20. Là. Ah ouais, ok. Il a genre, ben 22. Ben, beaucoup de passes, ça veut dire. Ouais. Il a 8 buts, 14 passes. C'est quand même pas mauvais. Ah, quand même. Il est troisième meilleur pointeur de l'équipe en égalité avec Galchenyuk puis Plekier. Ouais. C'est ça, c'est pour un gars qui joue ben ordinaire. Là. Regarde, il a le potentiel de faire une cinquantaine de points cette année. S'il serait bon, là, je pense qu'il pourrait faire facilement 60 points et peut-être être candidat pour le Norris. Je sais pas si. Est-ce correct? Tu une petite shot? Attends-moi un shooter. Vas-y dans les shooters. Puis je vais te dire exactement ce que mon frère a dit. Je veux le même verre, Resti. Je veux pas ses oreillons. Non, t'auras pas les oreillons, ça se propagera pas pour être podcast. Mais non, je vais leur donner un autre moins apparent tout, moi, ce coup-là. Mon frère avait dit ça l'autre fois, mais c'est qu'il fait. Ah, mais Chris, pourtant, moi, Paranto, dans les derniers games, depuis qu'il est avec Desharnais à la troisième... Ça leur monte un peu. Puis d'ailleurs, mention honorable pour Desharnais. Pour les plus de tantôt, là, j'en reviens. Mention honorable à Desharnais sur la troisième ligne. Je pense que Desharnais a... le spot qu'il devrait avoir dans une équipe de la Ligue nationale, c'est-à-dire un très bon centre de troisième trio ou un pas pire centre de deuxième. Mais au troisième trio, il fait le travail. Sauf que là, Il est solide en repli. Généralement parlant du temps, il est solide en repli défensif. Mais il est tout à sur le cul. Mais il est moins parce que là, il n'est pas confronté contre les gros joueurs équipes. Il n'est pas confronté contre les gros défenseurs de l'autre équipe. Il joue mieux. Il a plus d'espace. Il fait bouger beaucoup les choses parce que justement, il est mobile. Mention honorable. On revient à témoin. Mais là, il s'en va à l'aile en plus d'Arnais. Ah, ça, moi. Sur quelle ligne t'as-tu vu? Je sais pas c'est sur quelle ligne, mais ce que j'ai lu, c'est son commentaire de comment il a appris qu'il devenait joueur d'aile. Puis il a dit, de la merde. Il a dit, ben, j'ai appris. Ils m'ont dit, tu t'en vas jouer à l'aile, David. C'était ça son commentaire. Vous êtes bien heureux. Si vous voulez savoir comment il sent, aller au Radio Lounge. Il est ici au Radio Lounge? Oui, il aime ça coucher avec des petites filles de 18 ans. Non, c'est vrai, c'est-tu? Tu sors ça de où, ces rumeurs-là? Ben, à un moment donné, j'ai connu des gens qui sont allés au Radio Lounge au quartier du 30, qui est maintenant fermé. Puis Dernay, il aime ça cette année-là. Puis il voit les petites filles, puis il dit, hey, David Dernay. Mais le problème, c'est que quand il danse, David Dernay, il arrive sa face directement dans les boules des filles. Ah, mais tu sais, ça, c'est un plus. Tu le sais pourquoi il va voir les petites jeunes, puis pourquoi il arrive la face dans les boules? Il y a 5 pieds 8, esti, puis il faut qu'il y ait dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Là. C'est exactement ça. Ouais. Ça sacré dernier, esti. Puis j'ai un dernier moins, mais je vais le laisser parce que je pense que Dave va l'avoir dans son moins aussi. Fait qu'on en reparlera avec Dave. On fait tout notre shot pendant que. Dave, ben moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Lui, il nous a pas attendu. Yes. Moi, je l'ai fait, je l'ai pas attendu. J'étais trop en tabarnak. Je sais pas pour quelle raison. Oh! Ben moi, je vais donner. Alex, il nous a dit ça sur notre chat Facebook. Moi, je le donne à Tangerine. Là. Tangrady, ouais. Tangrady. C'était lui mon autre moins, ouais, effectivement. Ben, pour revirement contre les Ducks. Ben là, ça a coûté le match. Ça a coûté le match, carrément. Ouais, puis je vais donner mon autre moins, là. Je vais donner mon moins au ref de la Ligue nationale. Ah ouais. Pourquoi? Pas parce que le ref nous a coûté la game. Parce que je trouve ça calme de dire que le ref nous a coûté la game. Mais pourquoi je vais donner mon moins au ref? Parce que ça commence vraiment à me faire chier de voir des refs donner une pénalité parce qu'ils n'en ont pas donné une avant. Et ouais, la compensation. Tu fais référence au move sur Pacioretty. Au match contre les Ducks, je dirais ça. Ils ont donné une pénalité. Ils ont pas donné une pénalité sur le move de Pacioretty. Ils en ont donné une tout de suite après, le Canadien a compté. Le Canadien aurait dû mériter une pénalité pas longtemps après ça. Ils n'en ont pas eu. Ils en ont donné une après comme pour compenser. La dernière, quand elle est sous bande. Compensation, un total. Compensation, c'est de la merde. Ça me fait chier. Je dis pas que le Canadien a perdu la game à cause de ça parce que le move de Tangrady, c'est vraiment plus de la merde que ça. Calme-moi ça, hostie. Vas-y, Dave, mets le doigt. Je vous call out, les hosties de ref de la Ligue nationale. Arrêtez de compenser, tabarnak! On va se moucher sous vous autres, hostie! Le doigt dans le nez. Non, mais ça revient à ce qu'on dit tout le temps, ça, au podcast. Il y a trop... Ah, c'est con, man. Les refs ont trop d'influence à la game. Ça, c'est mauvais, ça. Faut vraiment qu'ils revoient ça un jour, la Ligue nationale. Tu sais, je le répète, là. Je veux même pas dire que le Canadien a perdu à cause de ça. Je dis juste que je trouve ça cave, man. Ça me frustre quand je vois ça. Tu sais, on n'a pas donné de pénalité. Ah, je vais me reprendre là-dessus. C'est une pénalité, ça? Oui, pénalité! Tabarnak, man. Là, ça siffle pour rien. Là, tu te demandes qu'est-ce que c'est. Tu sais, des fois, là, quand tu vois le goaler, les deux goalers qui savent même pas si c'est eux autres qui devraient se rendre au banc parce qu'ils savent pas quelle équipe y a une pénalité parce que c'est comme pas clair. Ah, ça fait dur. C'est n'importe quoi. Moi, ça me. En parlant d'arbitre, ça me pue au nez. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Ben, en faisant référence aux arbitres, là, j'ai écouté TVA Sport l'autre jour. T'as pas écouté le gros en direct? Non, j'ai décidé de clocher le gros en direct. Je suis plus capable, Basti. Oh. Je suis sûr qu'il sent le swing pendant ces shows. Mais c'est M. Séguin, ou je voudrais dire TQ Séguin, là, qui parlait à Stéphane Auger. Stéphane Auger, là, il pose des questions sur les règlements nationaux. Ce gars-là, là, je ne sais pas si tu le sais, Félix, il s'est fait crisser dehors dans la ligue parce qu'il était pas bon. Pourquoi tu lui poses des questions sur ses règlements? Est-ce qu'il sait pas qu'est-ce qu'il dit, tabarnak? Puis on dirait qu'il est tout le temps chaud, il joue tout le temps rouge. Il y a, par rapport à ton moins, ouais. Il y a le gars Hockey. Ah! Non, ben, ça finit bien la période, justement. Ben oui. Il y a Hockeyman dans le chatroom qui nous a envoyé un lien sur le Facebook de TV à Sport. Puis c'est marqué « Avoir ». Non, André Markov n'est pas toujours sage. La preuve. Puis c'est une photo d'André Markov qui remplit le tableau des lignes là, dans le fond de l'alignement. Puis il y a Scratches, il a mis le numéro 76. Oh! Il a scratché le 76? Oui, c'est Markov qui a marqué ça. Ouais, ben, c'était une joke, là. Ouais, évidemment, ils se gagnent probablement entre eux autres. Ben oui, c'est clair. Là. Hey, c'est des petites taquineries. Là. Hey, c'est frivole, ça. Fait que moi, on m'a fini sur le corps des arbitres. Mais j'ai une affaire à vous dire, les astuces de ref. You can't do that! You can do that en tabarnak. Vous n'avez pas le droit de faire ça, des calls de compensation comme ça. Ah, c'est ce qui m'énerve, man. Ah! Ça doit être dur comme job, sérieux, là. Parce que, oui, là. C'est sûr que ça doit être dur, mais compenser, man, ça m'enrage plus que d'autres choses. Le pire, c'est qu'ils sont deux sur la glace, là. Ils sont quatre, man. Ils sont fucking ouais, quatre. Ouais, mais les juges de ligue, ouais, je pense qu'ils callent rien. Eux autres, ils ferment tout le temps leur gueule. Une autre affaire. T'as-tu vu le dégagement qui a été refusé? Non. Ah, si, je pense contre les Ducks, man. La ligne, il y avait un joueur des Ducks qui courait après la rondelle. Il courait avec ses patins. Puis il y avait un joueur du Canadien qui courait aussi pour la rondelle. Donc les deux se combattaient pour aller chercher la rondelle. Puis évidemment, le joueur des Ducks était une petite longueur d'avance sur le joueur des Canadiens. Puis le juge de ligne a sifflé l'arrêt du jeu pour un dégagement refusé, mais la puck avait même pas traversé la ligne du fond. Oh, tabarnak. Puis elle aurait peut-être même pas traversé parce qu'elle avait ralenti. Puis là, Michel Therrien était en beau. Hey, il était en furie. Contre les Ducks, je pense. Là, il était en beau joueur. T'as vu Michel Therrien dire genre tabarnak de calice. Tabarnak de calice, ouais. Vraiment, là. Vraiment, clairement, man. Tabarnak de calice. Non, je le comprends. Je l'aime pour ça, Michel. Je le comprends, certain. Mais je l'aime pour ça, Michel Therrien, moi. Ben moi aussi. C'est le fun de voir ça. Imagine d'entendre ça. Tabarnak de calice. Il a lâché un autre sac, comme une couple de minutes après. Il a lâché un autre sac. Là, ben, quand Pacioretty s'est blessé aussi, il a sacré pas mal. Ouais. J'aimerais ça qu'il soit micé un jour, Michel Therrien. Il serait pas. Il y aurait juste des beeps. Il entendrait juste genre beep, beep, beep, beep, beep. Fait que c'est-tu tout témoin, ça, Dave? Attends, là, si je vais t'en trouver un autre. Non, mais si t'en as pas d'autre, la vraie définie. Je vais aller regarder la liste ici des joueurs. Ah, si j'en ai un autre, man. Vas-y donc. J'en ai un autre. Tom Gilbert. Non. J'en ai un autre. Gilbert, je l'ai comme oublié. Il est comme effacé de la réalité. Je pense qu'après avoir reçu 3 ou 4 moins dans la soirée du podcast, on ne peut plus te nommer. C'est comme, non, mais c'est un standard. Bon, je vais en nommer un autre, mais c'est plus pour la dernière game, lui aussi. Malhotra, man. Ah ouais? Il a été mauvais dans la game contre les Ducks. Là. Il a pas été ordinaire, il a été mauvais. Il gagnait pas ses mises en jeu. Ouais, il gagnait pas ses mises en là, jeu. Justement, il a créé des revirements. Il a fait partie de la ligne qui était pris sa patinoire avec le dégagement de marre de Tangrayati. Hey, aïe, aïe, aïe. Ah là là. J'avoue que être fatigué, ça influence la mise en jeu. Ça. Non, mais en tout cas, regarde. moi. Il a fait son premier point contre la ligne au complet. Non, contre les Kings, il a fait son premier point. Il y a une pause, man. Il a fait une pause. C'est une pause. Oh, bon, ben la période est terminée. Fait qu'avant d'aller à la période, Il est moins ici. En deuxième période. En deuxième période, ouais, en entracte, en fait. Ce qu'on n'a pas fait au début du podcast, les positions du pool de la soirée du podcast, qui sont d'avoir vraiment honte, tout le monde. Ouf. Fait que voici le top 5 du pool de la soirée du podcast en ce moment. Cinquième position, Mathieu Gélina. Quatrième position, Jacques Germain. Troisième position, Luc Desormeaux. Deuxième position, Samuel Lachaîne. Et première position, encore une fois, Steve Fortier qui domine le pool. Et moi, je domine, mais à l'inverse. Oui, maintenant, le Walk of Shame. On va te donner le prix coco. Si tu finis dernier, je repêche premier la saison. Alors, pour nous autres, en 19e position, Jeff Mallette, 22e, moi-même, 24e, Mart Vero, 28e, Alex Crombe, 29e, Alex Galipo et Dave, 40e sur 43. OK, attends. Ça va pas peu. Ton affaire, Dave, toi. Non, mais t'as peu. Je vous annonce, mesdames et messieurs, que la saison prochaine, la soirée du podcast sera formée de Steve Fortier, Samuel Lachaîne, Luc Desormeaux et Jacques Germain. Alors sur ce, on s'en fait une entrée et on vous revient pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Est-ce qu'on est de retour avec un shot de Jameson, les gars? Pour la deuxième. Pour la deuxième, on y va tout le monde allègrement. Allons-y. C'est comme de l'eau. C'est comme du velours dans la gueule. Il est bien beau. Bon, alors, elle est bien bonne. Pour ceux qui s'inquiéteraient de notre taux d'alcoolémie ce soir, sachez qu'on est chez nous. Moi, je conduis pas. Dave a un lift. Puis Jeff va rembarquer avec Nez Rouge, probablement. On fait une pub pour Nez Rouge. Prenez Nez Rouge, j'entends des fêtes, les amis. Laissez du tip aussi à Nez Rouge, s'il vous plaît. Oh, ouais. Laissez genre 5 piastres. Ça, je pensais, mais on va leur donner 6 finalement. Je vais leur donner 5$ puis je vais leur donner un petit tip, genre. Prenez-vous bisous, vous autres. Prenez-vous les dons d'organes. On m'a donné mon organe. On va leur donner une autographe. Un organe, tu parles d'un piano, là. Oui. Ça dépend. Si c'est un gars, oui. Si c'est une fille, je vais donner mon organe à moi. Ah, d'accord. Ouais, mais si ça dépend. Si elle s'appelle Ginette puis qu'elle pèse 3,50, tu lui donneras peut-être pas ton organe. Ouais, mais si elle s'appelle Brianna Donolo, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, ben là... On va lui donner 100$, ça, je vais demander comment qu'elle chante puis ou comment qu'elle souffle d'une flûte. Hey, chante donc dans mon micro, Brianna. Ah, voilà. Call la out. Non, parce que si je sors le call finger, c'est pas pour la call out. Voilà, alors... On va pas changer. Non, c'est bon, JF, je l'apprenais pas le doigt. Je prendrai bon. Pas le doigt. Non, c'est correct. Non, il était un petit peu trop petit, ce doigt-là. Voilà. Alors, faisons le tour des matchs qui se sont produits entre les deux podcasts. Match numéro 29 contre Chicago, une défaite de 4-3. Drôle de place pour se produire. Hein. Entre ben, deux oui. podcasts. Tout. On a perdu contre Chicago. Je pense que c'est la game qui jouait, que vous écoutiez sur le laptop pendant qu'on enregistrait ça contre Chicago. Hein. Ouais, effectivement, oui. Ouais. Effectivement. Puis c'est là que le Canadien a connu une séquence de défaites qui a fait mal. Ben, c'était la fin de la séquence parce que le match après, ils ont gagné en fait. On a perdu contre Dallas. C'était pas avant ça? Ou il manque un match? Le lendemain. On a perdu 4 à 1. Ok, ben il manque un match 4 à 1 contre Dallas le lendemain. Fait que faut tout que j'incrémente d'un de plus ici. 2, 3. Je pense 4. Que c'était dans la période de défaite, là, du moins. Bon, fait que match 30 contre Dallas, on a perdu 4 à 1, comme GM vient de le dire. Match 31 contre les Canucks, une belle victoire de 3 à 1. Salut Jean. C'est là qu'il y a eu le match à Jean Béliveau. Parlons-en un peu, on va faire une pause ce match-là. Avez-vous regardé le match à Jean Béliveau? J'ai manqué le début, mais pour être honnête, là, j'ai regardé les faits saillants, puis j'ai bien aimé. Ça m'a touché quand j'ai vu Élise. J'ai été vraiment surpris, puis props à RDS pour avoir fait une vraie minute de silence à la télévision. Oui. Puis le monde dans la foule au Centre Bell ont été respectueux, ils ont vraiment gardé le silence pendant une minute. Il n'y a personne qui a roté. Il y a peut-être Dave chez eux un peu, là, mais... Non, je bois pas de bière. Tu bois pas de bière, c'est pas juste des shooters! Non, chez nous, j'étais une personne sage. Fait que ouais, bel hommage à Béliveau, j'ai été vraiment content qu'il fasse la minute de silence. Je sais pas si vous avez écouté 24CH aussi, là. Non, pas celui-là. Je l'ai pas vu encore, mais mon frère l'a écouté, puis il dit, Chris, il dit, j'ai broyé tout le long. Il est bien vervi. Il dit, j'étais cœuré, là, Béliveau, c'est assez, là, ils nous font broyer non-stop, là, avec ça, là. Ben, le beau moment, c'est vraiment Élise, là. La femme à Béliveau. La femme, qui se cache, puis elle lève les mains dans les airs, puis elle remercie. Comme ouais, mais tu sais, il y avait vraiment eu plusieurs beaux moments, je pense, avec mais j'ai eu un malaise, moi, là-dessus, quand j'ai vu sa femme. Ouais. Il a filmé vraiment tellement proche, puis elle avait tellement l'air broyé que j'étais comme pas bien. Je sais pourquoi il a filmé proche. Non, c'est vrai qu'on laisse un petit peu l'espace. En même temps, tu sais, il était dans la foule, il était assis à côté du banc qui est réservé à Béliveau avec le numéro de 204 sur le banc. Fait... Elle était là un peu pour ça. Elle était là pour recevoir l'amour. Ouais, mais ça, je suis content que le banc va laisser vide pour la saison. Hein? Ça vous tente de parler de ça? Hey, veux-tu que je donne de l'amour? Hey, on vous donne le pouvoir de l'amour! Le pouvoir de l'amour. Non, c'est mais beau, l'amour. Je laisserais ce banc-là tout le temps vide, moi, honnêtement. Je le ferais même pas pour la saison, je le ferais tout le temps. Hein. Pourquoi pas? À vie. Hey, ouais. J'ai appris quelque chose, les boys. Hein, ouais. Shooter! Il n'y a plus 21 273 bancs. Non, il y a 22 286. Ils ont rajouté des bancs? Oui, ils ont rajouté des bancs. Où est-ce qu'ils ont mis? Ils ont rapetissé les boîtes de pénalité. Ah. T'es-tu sérieux? Ah, ouais. Ouais. Wow. Fait qu'ils ont rajouté comme une dizaine de bancs. Ouais, puis là, ils ont enlevé. Fait que là, à cette heure, quand ils disent l'amphithéâtre est plein, c'est plus de 21 273. C'est 21 286. Chris, donc, s'il y a une bataille générale, les gars sont en marde. Ils les envoient au vestiaire. Fait que si on fait un calcul mental rapide, 10 bancs de plus par match équivaut à 3 600 $ de plus par partie pour le Canadien, à peu près. Ouais. Plus la bière. Ouais, mais attends un peu, là, si ils augmentent leur prix, man. J'étais allé voir. Non, hey, sérieux, là, on est allé voir une game contre les Flyers dans la zone Coors maintenant, que ça s'appelle. Ah, c'est la zone Monsenex? Non, c'est la zone Coors à Star. Oh. Ça nous a coûté quoi? Une cinquantaine de piastres? Mm-hmm. Ben, à peu près, oui. À peu près, ouais. Dans ce coin-là. 50 piastres pour les billets, ouais. Il y avait des billets disponible pour les games cette semaine. Il y a le 15 de chaque mois, ils sortent des billets. Ouais, ils refont ça, ils font plus une batch direct. Là, Les billets dans Zone Course étaient comme 80 piastres. Tabarnak, c'est bien du vol. Ou attends, même proche. Attends, c'est-tu des matchs premium? Match normal, c'était 80 piastres. Match premium, c'était 111. C'est quoi un match premium? Qu'est-ce que ça fait? Premium, c'est comme, optimum, mettons, Toronto, c'est, rivalité. Une grosse Boston, des gros matchs. Ouais, quand Boston, Crosby Pittsburgh. Est en ville. Pourquoi c'était un match optimum? Parce que Crosby est là avec ses oreillons. Wow. Quand les sales Big Bad Bruins sont là. Parce qu'on était défoncés tous bien avant Boston! Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis celle-là. Donc, ben, ça fait le tour de l'hommage à Béliveau. Fait que, bon repos, gros Bill. Une shot pour Béliveau, aussi. Ah, bon, on pourrait. Ah, Chris, go, man. Ah, vas-y, Jeff, sors une shot pour Béliveau. Ouais, on est là. Je pense que c'est une joke, pourtant. Ah, ben, sûr, ça sonne une joke. On va le faire juste moi, puis Dave. On a lancé ça, on peut pas. Si tu veux que ce soit une joke, on va le boire pareil. Ben oui. On n'est pas des fafis. Pour Jean. On vous invite à écouter ce podcast-là en vidéo. Ça risque d'être un petit peu n'importe quoi présentement. On vous invite à écouter ça. J'ai hâte de voir la prolongation. Je pense pas qu'on va avoir de prolongation, honnêtement. Aujourd'hui, d'après moi, en troisième, on va être capable de tout finir. D'après moi, la fusillade va finir comme la game Capitals-Floride. Oh, fusillade, ça va être les questions. Ça a duré 17 minutes. Ouais, je l'ai. Ah, waouh, ouais, les 20 tirs de. Ouais, ok. Wow! Vous avez pas le droit de faire ça. On était tous bien défoncés avant à Boston. On se garde ça pour la prolongation. Ben, pas la prolongation. Around the NHL. Ça m'a donné le goût d'écouter Cadavre sur le campus, là. C'est, t'as jamais vu ça? Non. C'est Deadman on Campus. Deadman on Campus? Attends, j'ai tué. Ah, c'est tellement bon. C'est encore man. Vous deux qui vous défoncez sur ma pipe. Merde! Mais c'est ça. Daddy's Classic. Ouais. Moi, je l'ai vu en anglais. Ouais, j'ai vu les deux, moi aussi. En tout cas. Attends, j'ai peut-être vu ça, mais je m'en souviens plus. C'était peut-être un autre époque. Josh. Paper ben, Josh. Josh. Papers Josh. Non, mais ça fait quand même un bout. Ça jouait à début des années 90. Ah, début 2000, moi, je pense. En tout cas, c'est pas bien grave, là. Je l'ai sûrement loué au Cerf Vidéo. Cerf Vidéo à la Prairie, props. Il y avait un Cerf Vidéo à la Prairie? Ouais. Ils l'ont fermé parce que le comptable ou le propriétaire, c'était un trou de cul. J'ai travaillé pour lui. Ben, ils l'ont fermé probablement parce qu'ils ont ouvert un club vidéo. François Bergeron, mon esti. Quand j'ai rappé ta bobane de propane, sti, là, tu m'as même pas donné de tip, puis en plus, là, tu m'as envoyé chier quand j'ai fait de l'overtime. Fuck you! Il t'a envoyé chier quand t'as fait de l'overtime? Ouais, parce que le bon 98. Il voulait pas de. Wow. Mais non, il y avait un rush, puis j'ai aidé mes collègues, puis tu sais, quand tu fais de l'overtime, là, t'as pas d'affaires, là, moi, je te paierais pas plus cher. Là. Ok, mais là, on divague vraiment du hockey. Fait que, on parle de hockey. Faisons notre shot ici de ah, ben oui. Pour M. Billy Ok, mais au numéro 4, M. Billy Vaux, props. Respect. Ah, que j'ai pas le fun. Ah! Mais c'est bon. Ah, c'est quelques secondes après ça tombe dans le nez. Alors, match... un coup... un hockey éthylique. Match numéro 32 contre les Kings de Los Angeles. Une belle victoire de 6-2. Mon frère était présent à ce match-là. Ouais. Il avait dit qu'il nous ferait un petit reportage. Finalement, il fait trop chaud. Il fait dire qu'il était trop chaud. Il se rappelle pas d'avoir vu la game vraiment. Ben, à peu près comme la game des Flyers. Je pourrais pas la décrire. Je me rappelle juste que c'était toute une game. Fait qu'on a les pires reporters sur le terrain, nous autres, parce qu'on est tout le temps trop chaud. Ben ouais. Tabarnak. Non, mais ben vraiment, là, cette game-là, là, on peut-tu dire que le talent offensif, c'était vraiment les jeunes qui ont mené la game jusqu'au bout? Ouais, solide, là. Sekatch, Andri Goto, Blekanets. En passant à Blekanets, là, il a fait une entrevue à TSN 690, et puis il a dit que son nom, c'est Thomas Blekanets, pas ouais. Blekanets. Peu importe quand tu le prononces, Wood, là. Plekanec. Je pense qu'il met un CH. Oui, il met un CH. Ouais, c'est pas rapport. C'est Plekanec. Plekanec. Tabarnak de il a dit ça. Ouais. Ah ouais, il a dit il ça. Il a dit « My name is Thomas Plekanec ». Ouais, puis c'est comme Thomas, là. C'est pas... Thomas. C'est pas Thomas. Non, c'est Thomas. Thomas, en espérant, ça dit « Prends-en plus ». Ouais, Thomas. Thomas. Thomas. Mucho alcool. Mais tu veux-tu caller out Pierre-Houd oui, avec son gros coup de poire? Ou... Mon cher Pierre-Houd, monsieur, j'ai remarqué que dernièrement, que tu t'es des cheveux sacrément! Si ton frère a les cheveux gris puis toi tes cheveux noirs, tu te marques les cheveux avec un marqueur noir. Genre plus vieux, ouais, c'est quand il est plus vieux que Paulhoud, Pierre? Ben non, c'est pas des jumeaux, ça! Ben non, ben non, si là! Non, mais sérieux! Il y a même Chris de face! C'est des frères, c'est pas des jumeaux! Mais non, Chris, pas là, il a la face tout mangée. En tout cas, peu importe, si quand tu parles, là, tu parles à la française, puis quand t'es hors honte, tu sacs comme un esti de boucheron. Hey, tabarnak, il va, t'as-tu vu ça, calice? L'avez-vous vu sur Internet, c'est Non. Non, okay. Mais j'ai un extrait de Yvon Pedneau, par exemple. Oui, oui. Hey, c'est l'air, tabarnak, ce costume-là, Pierre. Il semble que t'es mieux l'autre. Hein? Hey, c'est un tabarnak ce film-là, Pierre. Ah ouais. C'est qui est mauvais, man. Hey, Pedneau. Hey, man, l'autre fois, j'ai pogné... Il est où, ce gars-là? Il est à TVA Sport, puis j'ai pogné une game. Mais qu'est-ce qu'il fait à TVA Sport? Il est analyste de je sais pas quoi, Chris. Là. Ah, si, il analyse les games à minuit. Hey, non, mais j'ai pogné une game l'autre fois, puis il était analyste, man. Pendant la game, comme quand il faisait avec Pierre. Puis il est aussi mauvais, man. Il est dégueulasse. Poche, man. Hey, lui, je le corps l'out solide avec un gros doigt d'honneur dans le cul, man. Ah, ouais, donc, s'il demande. Ah, vas-y, le doigt, vas-y. Qu'est-ce que c'est, hein? Numéro 1. Match numéro 33 contre la Caroline. Une victoire de 4 à 1. Taux de chapeau d'Alex Galchenyuk, on a parlé tantôt. Ben, merci, Garly. Question pour vous autres. Galchenyuk. Que je ne sais pas la réponse. Réponse. Plus, là, mais qui était le plus jeune joueur du Canadien à avoir fait un taux de chapeau? C'est le dernier, c'était Stéphane Lebeau. en 80 quelques, là. Ça, tu l'as dit tantôt avant. Je pense qu'on était hors d'onde, je pense qu'il a dit ça. J'ai dit tantôt, hein? Je sais pas, mais c'était hors d'onde. Je sais pas, parce que je n'étais plus de la réponse. Mais le plus récent, c'est lui. Avant ça, je ne sais pas. Mais je pense que le plus jeune, c'est lui. Le plus jeune, ouais. 19 ans qui était c'est lui, parce que je savais que c'était un gars dans notre... Quand on était vivant dans ce temps-là, là, mais... on était vivant, ouais. On n'était pas mort, ça, c'est vrai. Mais Galchenyuk, c'est le deuxième. Oui, depuis lui. Ouais, depuis lui. 19 ans, 20 ans, Galchenyuk, des beaux chiffres, hein. Oh, oui. Reviendrez-vous à 20 ans, vous autres? Ouais. Non, pas moi. Non. Non? Non, trop jeune. Trop maigre. Manque d'espoir. C'est vrai, man. Ouais, toutes les côtes, man. Bah, pas assez d'expérience. Pas, ah non. Juste pas la forme physique. Moi, c'est juste pour une journée là, avec le savoir que je sais aujourd'hui. Je reprendrais le foie de 20 ans. Je reprendrais la tolérance au lendemain de veille de 20 ans. Je reprendrais la tolérance, mon foie. Puis, ton cardio. Mon petit côté un petit peu lapin, chaud lapin. Là. Moi, je connais ça. Hein? Je suis comme malade. Je suis comme un semi-latin. Oh, non, lapin. Okay. Oh, lapin, j'ai compris. Latin. Show latin. Latin comme latino, là. Lapin, OK. Les latinos. Latino Connection. Oh, j'ai manqué un bout, là. On parlait de la game. Et on salue le Latino Connection qui doit lutter encore. Concha Tomare. Eddie Guerrero. Concha Tomare. Concha Tomare. Mamacita. J'ai de savoir c'est quoi ça quand... Conchato Mare. Conchato Mare. Ça a rapport avec ta mère. Ouais. La chatte de ta mère, je pense. Conchato Mare, c'est votre coucher avec ta mère. Quelque chose. Ouais, peut-être, c'est ça. On va fourrer ta mère. Ça, c'est la chatte de ta mère. C'est ça parle de cul. C'est très méchant, ne dites pas ça à la mère. Ici, à la soirée du podcast, on vous apprend l'espagnol. Mais on le comprend pas. Et le match numéro 34 contre les Ducks. Défaite de 2 à 1. Blessure de Pacioretty. Parlons-en, Stoner. Fuck you, Stoner! Eh oui, mon ass. Petit tabarnak de Stoner, t'as un nom bizarre en plus. C'est non, un mais Stoner, vraiment, ce l'arbitre gars-là. Était où là-dedans? T'sais, il n'y a pas eu de pénalité, premièrement, puis il n'y a même pas eu d'appel comme par la ligue là, pour ça. Non, non. C'était quasiment un late hit. Il l'a juste poussé dans la bande après qu'il ait passé. Oui, les boys, je vais être. Allez-y. Ouais, vas-y, non. Selon ce que j'ai entendu dans le fond aux nouvelles, c'est que Pacioretty, c'est de sa faute qu'il s'est fait mal. Parce qu'il s'est mis dans une position vulnérable. Ben, il était de dos, mais il n'y avait pas à puck. Ben. Dave a l'air d'être contre ce qu'on dit. Là, pour la première fois depuis le début du podcast aujourd'hui, on voit une opposition. Vas-y donc. Non, mais je suis pas comme... Je suis mitigé, mettons. Je pense que... T'es comme mi-fig, mi-raisin. Je pense que... Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il va-tu aller au main? Non, je pense qu'il est parti faire quelque chose. En tout cas, moi j'ai trouvé que... Je pense que Salon est là pour y faire le lift. J'ai pas aimé ça. Non, c'était pas correct. Heureusement, Pacioretty est blessé vraiment à court terme. Là. Ça a l'air qu'il va peut-être revenir dans le game de demain, samedi ou bientôt. Là. Mais pour moi, c'est vraiment un late hit. Il n'y avait pas à pas que la passe était faite. Il l'a même pas plaqué, il l'a poussé dans le dos. Ouais, puis c'est tête première sa bande, si je me trompe pas. Ouais, il est blessé au haut du corps. On sait pas trop ce qui s'est passé vraiment. Il n'y a pas eu de complications, mais il n'y a pas eu d'informations sur la blessure à Pacioretty, mais c'est vraiment au haut du corps. Fait qu'on sait pas si c'est une commotion ou... Je pense pas que c'est une commotion. Là. Il a pas à s'être pété à la tête, c'est vrai. Bon, Dave est revenu dans le studio. Dave, as-tu une opposition? Ce que je disais, c'est que dans le fond... Dans le cas de René... J'étais un peu mitigé dans le sens que... Je pense pas que le hit était si late que ça. Ben, c'était-tu vraiment un hit ou c'était plus un poussage dans... Il l'a poussé sur la bande. C'était pas un late hit, c'était un dirty hit. C'était un hit qui avait pas besoin d'être placé, mais c'était pas un late check. Ouais. Ça méritait-tu un 2? Non. Ça mérite... Ben, ouais, sais-tu qu'est-ce que je vais te répondre là-dessus? Ça dépend de l'arbitre. Ah, ben, tabarnak, est-ce d'arbitre de calice? Mais moi, je n'aurais donné un. Mais là, je parle peut-être en fin. Ouais, mais le 2 qu'on donnait à Weiss, là, après, quand ils l'ont, le Maroon l'a poussé, genre, lentement, là, ça méritait-tu un 2, ça? Plus lequel, que ça? La pénalité qu'il y a eu après, quand Weiss, il frappait tout ce qui bougeait, puis Maroon l'a comme tassé, puis Weiss, il a revolé. Non, ça, c'est par rapport aux pénalités qu'ils n'ont pas données. L'arbitre s'est repris. C'est ça. C'est ce que je parlais tantôt. Hosties d'arbitre. Les hosties de manger. Bon, puis... Il peut bien manger des hosties de gazon, tabarnak. À Galekazou? Ouais, ben les arbitres zébrés. Tabouin, tu vas chercher ça loin. Là, c'est une blague. Sors le Jameson, tu sais, pour sortir des gags de même. Ouais, non, ça a l'air de l'autre shot. Bon, ben il reste 4 minutes à la période. Fait que je propose qu'on parle de l'hommage à Sakou. Je propose qu'on prenne un Jameson. Ouais, on parle. Ben, respect à Sakou, on prend un shot de Jameson pour Sakou. Je laisse préparer la table pour Sakou pendant que je prépare les shots. Dave, as-tu vu l'hommage à Sakou au complet? J'étais en véhicule moteur. Moi, j'ai vu au début, ils ont présenté deux. J'ai entendu tout et je l'ai enregistré pour le regarder par la suite. Ok, j'ai deux affaires à dire, ok, pour les vidéos. J'écoutais Maguire, Monsieur Andrigado. Ils ont présenté deux vidéos comme recap. Un recap de Sakou, puis un, c'était des commentaires de coach puis de coéquipier à Sakou qui parlaient de Sakou. Markov, là, pas trop à l'aise avec la caméra, hein? Markov, en tout cas, je sais que je l'ai regardé puis j'étais pas très à l'aise à le voir, là. Puis toi, tout était pas à l'aise de voir Markov pas à l'aise dans le fond. C'est ça que tu disais. Il y en a qui disaient qu'il verrait capitaine. Voyons donc. Puis deuxième point par rapport à ça, il y a eu un bout que c'était comme un 2 minutes sur Terrien qui parlait de Sakou. Sur 2 minutes, il y a eu 1 minute 40 à peu près que Terrien était pas en focus. La focus était faite sur les drapeaux derrière Terrien, puis lui était flou en avant de la caméra. C'était voulu. Tabarnak, là, tu m'y es-tu? C'était dégueulasse, ça, là. Ben non, c'est un montage. C'est fait, tu voulais voir les drapeaux en arrière, ben puis ouais, le filet, là, c'est le filet. Voir qui le filet, les gars, le filet! Ben ouais, c'est incroyable. C'est tellement coroné. Mais non, mais c'était émouvant, c'était un beau moment. Tu vois que Sakou... Félicitations à Sakou pour son pet scan. Ah, il est passé. Il a juste passé. Il est passé. Non, mais ça, c'est des affaires que je me rappelle pas. Mais... Sakou a acheté un PET scanner à l'hôpital général de Montréal qu'on n'avait pas encore, puis c'est un gros morceau. Là. Ouais. Ça a coûté 8... c'est au moins 7 à 8 millions ouais. Ça, un scanner de ce genre-là. C'est 8 millions, puis il a dit qu'il était pour s'en occuper, dans le fond, lui-même. Là. Puis il a fait une fondation, puis il a ramassé les 7 à 8 millions que ça a pris pour avoir le scan. Juste pour ça, il mérite beaucoup d'admiration. Il mérite qu'on prenne un shot pour lui. Il mérite qu'on prenne un shot. On va revenir après, on va parler de sa carrière. Alors, respect Sakou. Sakou! Respect Sak. Ah, tabarnak. Oh. Chaque fois que je prends un shot, je regarde le tampon en haut. Ben, pour ceux qui sont mêlés, le Sakou, c'est pas le fils à Mario Nimboy, c'est le vrai Sakou. Sizou? Ouais, Sizou, la gloire du champion, je sais pas quoi. Bart, l'autre fois, il me disait que Sakou, ça voulait dire... si je m'en souviens plus, je le dirai pas parce que si je vais dire n'importe quoi. Les noms genre finlandais, ça laisse des noms d'arbres et des enfants de même. Ah ouais. C'est le nom d'un arbre. Fait qu'on, je sais pas, moi, un cèdre, là. Mais par rapport à Sakou, cette semaine. Non, mais je dis pas que c'est ça. Sakou, là, c'est un cèdre. C'est un cèdre. C'est un pain, asti. Sakou, c'est un pain. Mange mon pain, Sakou. T'en étais un pain. Si non, mais cette semaine, je voulais faire notre section de tweet de journaliste qu'on a pas fait depuis une couple de podcast, là. Il y a Marc-Antoine Godin qui a placé Koivu 5e des meilleurs passeurs du CH sur Twitter pendant qu'il était 6e pour vrai. Mais à sa défense, il s'est rétracté. Ben, félicitations. Mais, je vais mettre le doigt pareil. Marc-Antoine Godin, check out tes stats, calice. Ouais. Voilà. Pendant que moi et Jeff, on en discutait, puis j'ai dit à Jeff, je dis, attends un peu, là. Je vais aller voir mes stats. Hey, c'est pas dur, là. Le site du Canadien, tu regardes les pointeurs. Puis ils ont une section dédiée à l'histoire du Canadien sur le site. Ils sont payés du pour CH, faire là. Ça. Mais oui, c'est ça. Tes devoirs, ça m'a pris 30 secondes en passant pour réaliser qu'il était 6e. Tu sais, vous autres, les gars, mais Chris, il est quand même 6e meilleur passeur de l'histoire du Canadien, ce qui est quand même pas rien, là. Puis François Gagnon a fait remarquer quelque chose. C'est rare que tu dis de quoi de brillant. En disant Simonac à la fin, sûrement. Ben oui, le pire, c'est que c'est vrai. Avez-vous remarqué que sa photo Twitter, il a les dents beaucoup trop blanches? Non, mais c'est Photoshop, ça, voyons donc. Ben oui, c'est sûr, Photoshop. C'est ma job. C'est moi qui l'ai fait. Mais pendant que Koivu jouait à Montréal, il a manqué 274 games. Ouais, puis il est quand même dans les top pointeurs. Imaginez. Ce que je trouve dommage. Imaginez. C'est qu'il a hérité d'un air très triste du Canadien de Montréal. Ouais. L'air Réjean Houle, c'était le début parti, il était parti peanut. Dans l'air gainé aussi. Là. L'air peanut. Ouais, après ça, il y a eu l'air gainé. Mais c'est pas des belles, c'est pas des beaux moments. Il était là, pas chanceux. Non, je te dirais qu'il y a eu l'air bête. Mais oh! faut donner. faut donner à Sakou. Ce qui revient à ce coup, c'est que, dans le fond... Il a porté le team, ce gars-là. Ce gars-là, là, ben, Chris, Captain... Il était tout seul. Captain Courage, c'est pas... Il a commencé avec le trio des Schtroumpfs, avec Valérie Bourré et Oleg Petrov. Oleg Petrov. Mais, tu sais, il l'appelle Captain Courage, c'est pas juste parce qu'il a battu le cancer. Ce gars-là, il allait dans un coin. Il jouait contre les plus gros joueurs. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2002, le Canadien, quand ils ont joué dans les séries contre les Bruins, on avait fini 8e cette année-là dans la cave. J'étais là aussi. On a torché les Bruins. Puis Sakou jouait sur le trio contre Thornton, Joe Thornton, qui est genre 4 fois sa grosseur à peu près. Là, on s'entend-tu? Là, c'est un forain esti à côté, Sakou. Un forain. Des toutes petites puis, mains. Chris, il l'a maté tout le long, là. Sakou, la merveille finlandaise. Fait que Sakou, il faut lui donner ce qu'il y a. C'était peut-être pas le joueur le plus intrisant. C'était pas le joueur le plus spectaculaire. Mais c'est un joueur qui donnait tout. C'est un joueur qui démontrait beaucoup d'adversité. Ouais, puis du leadership. Puis tu sais, je veux dire, tu verras pas ça souvent non plus. Un joueur qui a 10 ans comme capitaine du Canadien, ça arrivera probablement à plus. Ben, c'est lui. Béliveau, puis lui. Ben, tu sais, regarde, de toute façon, là, on s'entend-tu que. Depuis, on les compare pas, par exemple. Il y a eu, après Sakou, le seul capitaine qu'il y a eu présentement, c'est Gianta, si je me trompe pas. Ouais, il était 5. Il passera pas à l'histoire, Gianta. Ben non, si j'allais dans le cul, comparé à Koivu. Ben, c'est ça. Koivu, là, a été un vraiment meilleur capitaine que Gianta ne sera jamais. Puis, il n'y a aucun joueur présentement du Canadien que je verrais être capitaine. Tu sais, là, il y a plein de monde là, partout dans les médias, on n'arrête pas de voir. Puis, même Therrien n'arrête pas de vanter. Comme quoi, Pacioretty a beaucoup de leadership. Non, on va Gallagher. Ça nous démontre vraiment qu'il y a une longueur d'avance. Peut-être que ça sera pas Pacioretty. De voir, là, mais présentement, j'ai l'impression que Pacioretty a une longueur d'avance sur les autres. La manière que les entraîneurs en parlent. Ouais, mais que le public en parle. Tu vois le développement qui s'est passé depuis le début de la saison. Mais Pacioretty, si un jour il a la chance de signer ailleurs, il va s'en aller. Puis il va être un capitaine qui va être resté 3-4 saisons. C'est ça. Ça son capitaine va-tu penser à l'histoire? Non. Non. Pas plus que Koivu. On en parle souvent de ça. Ça va être long avant de voir un capitaine passer à l'histoire. Le C, ça veut plus rien dire à part être le gars qui va chialer à l'arbitre à cette heure-là. C'est symbolique. Mais oui, je pense que ça veut encore dire de quoi. Je veux dire, faut que ça veuille dire de quoi. Il faut, dans le fond. Peut-être que c'est vrai que ça veut pas dire de quoi, mais il faut que ça veuille dire de quoi. Faut que ça dise quelque chose. Tu veux dire, t'es capitaine de ton équipe. Ouais, t'es supposé d'être. Ce que ça prend, c'est quelqu'un qui va revenir puis qui va redonner les lettres de noblesse au C, dans le fond. Le C veut dire quelque chose, puis je suis le capitaine du Canadien. Tu sais, je veux dire. C'est ça qu'on a hâte de voir l'année prochaine. C'est pas Gianta qui a eu ça, là. T'sais, les boys, j'ai vu de quoi cette semaine, puis je sais que la réponse est probablement facile, mais. On devrait-tu retirer le chandail? C'était maintenant la question avant d'aller en entracte. Je n'irais pas jusque-là. Moi non plus. Moi, je dis non, c'est sûr. Non. Non, non, parce que dans le fond, tu sais, ça comme pas de sens. Parce qu'en même temps, tu retires le chandail, tu dis Chris Gomez l'a porté. Non, mais tu vois, plus ça va aller. Gomez a autant de points que Vincent Le Cavalier en passant. Bah ouais, mais Cavalier, ouais, pas avec Le Cavalier. Il est tout à benché en plus, Le Cavalier. Non, mais de toute façon, je pense que les retraits de chandail vont être de plus en plus rares que les années. Là. Ouais, ça va être peut-être encore, ouais, le 87 de Crosby, éventuellement à Pittsburgh, peut-être, mais sinon. Ah, ben ça pourrait être un. Mais dans l'ère moderne du hockey, ça va être un joueur qui va être retiré. Là. Ouais, mais ça risque d'être de plus en plus rare des joueurs. Mais que ça leur... va être encore dans Chris. Puis ça va prendre du temps. Je veux dire, c'est pas mais il va pas prendre sa retraite, puis on va retirer son chandail. De toute façon, ça va être non, plus ça. Rare, je pense, retirer des chandails. Mais j'ai vu ça sur Internet passer, puis je te l'ai dit cette semaine. Ouais, ouais. Prends-la en note, mais tu sais, j'ai vu ça. Je pense que j'ai vu ça sur le site de Dans les coulisses. Il pose, c'était comme la question du jour, est-ce qu'on devrait retirer le chandail du Canadien Petit? Non, moi selon moi, non. Il y avait des oui, il y avait un pourcentage de oui, mais c'est sûr, je pense que c'était en bas de 20%. Non, là. Parce que dans le fond, tu sais, il y a marqué l'histoire du Canadien, mais côté, là, mettons, Béliveau, Richard. Non, mais c'est pas au niveau de Béliveau. Il n'est pas dans la même catégorie, là. Mais pas pendant tout. La game a changé. S'il avait gagné une Coupe Stanley à Montréal, il aurait-il mérité? Non plus. Non. Probablement. Peut-être. Je sais pas. Ben, ça aurait été un pensé si bien, maintenant. Ça dépend. Ouais, peut-être. On saura, on saura jamais. Si bien. Pensé si on bien. On saura jamais. Il a juste gagné la Coupe dans le film pour toujours les Canadiens. Marc, j'ai pas voulu. J'ai jamais vu ce film-là. C'est les Canadiens gagnent la Coupe à la fin. Puis c'était un petit gars qui était cancéreux. Puis qui était des voix. Mais certainement, il y a une grosse info pour le CH. Il s'est fait scanner par le PET scan, le petit cancéreux. Je pense que oui, je m'en souviens plus. J'ai écouté le film. C'est marqué ça coûte. C'est Koivu, c'est ça. Ah, Koivu, il parlait français. Il dit bonne chance. Voilà. Ben justement, parlons de Koivu qui parle en français. Ouais, là, lâchez-le, le hein? Style. Hey, je peux-tu envoyer chier le monde qui était contre le français? Oh, ouais, tu peux. Chris, il parlait pas français. Mais sacrément, sa femme parlait français en tabarnak. Oui, mais quand il vous, c'est parce qu'il était pas à l'aise de parler français. On peut-tu donner un break, sacrement, si? Pourquoi à Montréal, il faut toujours que le gars parle français? Non, mais parce que vous comprenez pas l'anglais, calé. C'est vrai qu'il parlait français au resto et tout, puis tout, le quand il vous. C'est juste qu'il a jamais vraiment parlé français devant les médias. Il était pas à l'aise de parler devant la caméra, la publicité. Lâchez-les, esti, là. Mais oui, fuck off, esti. On est en 2014, puis dans ce moment-là, c'était les années 2000. Aujourd'hui, c'est anglais, français, puis une troisième langue bâtard. C'est qu'on est vieux. Mm. Ben oui. Hey, c'est rendu qu'il y a des joueurs qui sont plus jeunes que nous autres. Mais parlant de parler français, moi j'ai bien aimé quand Carey Price récemment il a eu une étoile puis il a dit « fait chaud ». Ah ouais? Avez-vous entendu non, ça? Non, j'ai pas vu ça. Ouais, c'était avec Marc Denis. Avec Marc Denis, Marc Denis, parce qu'il y a eu genre 40... Il a dit « fait chaud », il a dit « je suis chaud ». Non, il a dit... il fait du Jameson dans la gomme. Comme, je me souviens pas c'est quel, contre quel team, il a reçu comme quarantaine de... Contre les Kings. Contre les Kings. D'après moi, c'est contre un team différent. Ouais, ouais, contre les Kings, il a reçu comme quarantaine de lancers en montant. Puis il a dit... Marc Denis, il a dit en anglais « Are you warmed up now? Are you... T'es-tu réchauffé? » Il dit « Yeah, I'm warmed up. Il fait chaud. » Mais ça, les Kings... Ça là, drôle. Il est drôle, Price. Ça, là, c'est un team différent. C'est un team différent. Oh. Fait que parlant de retrait de chandail, je vous laisse sur la question suivante. Est-ce qu'on devrait peut-être retirer le numéro 14? On en parle après l'entracte. Le numéro 14 de Plekanec? Voyons donc! Le 14... le 17, excusez-moi, je suis ben trop chaud! On fait un entracte, on va vivre la troisième période. C'est qu'on s'en va avec ce podcast-là! On est de retour pour la troisième période. Bon, les gars, on a commencé la période. Shooter Jameson. Oh, tabarnak. Est-ce que vous êtes prêts ou... JF vomit dans un coin de la pièce quand on fait un shooter Jameson. Ben, je suis pas sûr. Hein. Joyeux Noël, les gars. Bonne année, encore une fois. Cheers. À la fin de cette saison. Astrovia! Comment il s'appelle? J'ai déjà bu son nom. Ping Pong Ling. Jean Bigot? Non, pas lui, l'autre. C'est Cuedo, là. Polo Cuello. L'alchimiste. Recommandation de lecture de la soirée du podcast par GF. Je disais Paul dans le cul. Tabarnak. OK. D'accord. Fait qu'avant de faire le tour de la Ligue nationale, petite histoire ici à vous raconter, les amis. La malédiction du numéro 17. Oh. GF, ouvre ton iPad, on va parler de ça. Vous aurez cru remarquer que les joueurs du Canadien dans l'univers récent du Canadien sont très mauvais avec le numéro 17. On parle de Tank Grady, on parle de René Bourque. Mais c'est un numéro qui est un petit peu donné par le Canadien. Fait que Jeff va nous en parler un peu de ça. Parle de Poussy. On va parler de Jean Poussy pour commencer. Jean Poussy, 1930 à 1931. J'aimerais qu'on l'appelle Jean Poussy. Si l'homme qui sent de la noune. Ben bref, c'est un gars. Ce gars-là, le numéro 17, c'est un défenseur du Canadien de Montréal. Qui se peignait les cheveux avant de faire son tir de pénalité. Il se peignait avant de faire son tir de pénalité? Ouais, c'est ça qui est écrit. Oui, j'ai vu ça. Ça dit que dans le fond, il se fait, mettons, frapper. Puis après ça, il y a un tir de pénalité. Il sort son peigne. OK, avec le peigne carré. Son peigne la pong, peigne la... Ouais, c'est écrit ici. Ça, c'est dans les mots de Marc-Antoine Grondin. C'est dit, attends une minute, il faut que je trouve la bonne ligne. Là. Toi, après son départ de Montréal, il a déjà pris le temps de se peigner avant d'effectuer un tir de pénalité. Hey, c'est un tout croche. Mais dis, genre, ils disent qu'il a fait 28 équipes, je pense, là, dans sa carrière. Là. Jean Poussy? Ouais. Bon, ils disent pas vraiment combien de temps qu'il a joué. Là, ben mais ouais, ils disent qu'il a fait 28 équipes. Ça, comme là. 28 fois en 20 ans. 28 fois en 20 ans, il a été changé d'équipe, man. Faut que tu sois bon rare pour ça. C'est fou, raide, là. Il y avait même pas 28 équipes dans la Ligue nationale dans ces années-là. Ah, c'est vrai. C'est vrai, dans ce temps-là, il y avait 6 équipes. Il a passé, genre, à peu près 5 fois chaque équipe. C'est une explication boboche, là, je viens de faire. Je pensais pas qu'on ferait des maths à soir. Mais ça, c'est un article de Marc-Antoine Grondin qui dit que Sakou est cinquième pendant qu'il est sixième. C'est ça, Marc-Antoine Grondin, c'est le gars qui pose des questions tellement scientifiques à Marc Bergevin qu'il comprend rien. Puis c'est aussi le gars qui a l'air le plus suicidaire sur sa photo sur le site de la presse. Ben oui, hey, qui est-ce qu'il a l'air en dépression? Lui, donnez-y pas une corde, là. Eh boy, donnez-y pas une corde. Mais donnez-y, oui, oh non. Qui est? Marc-Antoine Grondin, je prends un shot pour toi, même si je suis pas capable d'en prendre d'autres. Comment ça, on jette encore plein, lui? Il l'a pas vu. J'ai pas d'en prendre d'autres, parce que je pense que ça allait vomir. Bon, ben, il y a eu d'autres personnes qui ont eu le numéro 17 autre que Jean Poussy pendant que GF chase avec la grosse. Le prochain était George Hainsworth, qui est un gardien de but de Montréal. C'est un gars qui a sorti de la retraite pour jouer 4 matchs à Montréal avec le 17. Les boys, hein? Bref, il n'a pas été vraiment malchanceux, mais c'est un gars qui était correct. Le prochain, c'était Jean-Guy Talbot. Talbot qui a joué son hockey junior à Shawinigan. Il y en a eu des bons, pour là. Pour ce numéro, en l'honneur de Ken Randort. Ouais, lui, là. Ah ouais, lui, c'était tout un ben, joueur. Bref, ça. C'est un gars qui a connu du succès avec le numéro 17. C'est ça, mais il y en a des... Guy Lapointe a porté le numéro 17. Le numéro 17 au début de sa carrière, quand il était recru. C'est le gars du Big Tree, c'est ça, Lapointe, ouais. Ouais. Pointu. Il y a eu Rod Langway. En 78-82, John Leclerc. On se rappelle tous John que John Leclerc joue que le Canadien va jouer pour les Flyers. C'est ouais. Ça, c'était la pire échange. On s'en rappelle tous. Ouais. Mais je pense que la malédiction a vraiment commencé avec Benoît Brunet de 96 Brunet, à 2002. Il avait le numéro 22, il a gagné une Coupe Stanley, il a changé pour le 17. Puis et puis il est rendu gros en tabarnak, Brunet, là, sacrément lâche les croquettes chez McDo. Il a le même cul que Pierre Jean-Pagé. Pierre Pagé. Ah, peut-être. Ah non, il est plus gros Oud. Son cul. Si les deux pour son regard s'assistent sur le même banc à l'église, là, c'est impossible. Mais Benoît Brunet, c'est un gars qui s'est blessé à plusieurs reprises. Et puis, finalement, on peut dire, ce gars-là... Un autre qui avait un overall de 62 en vitesse à NHL 94, ça. Ouais. Benoît Brunet a déclaré, il y a des numéros qui méritent d'aller aux poubelles. Donc... Pourquoi tu le call-out avec ça? Je le call-out parce que Chris, t'es mauvais, t'étais commentateur, puis t'es tombé analyste, puis quand tu parles, je t'écoute pas parce que t'es fatiguant. Après ça, il y a eu qui? Il y a eu Jason Ward, on se souvient de Jason Ward, le gars qu'on a repêché au premier rang dans l'ère Réjean Houle, puis qu'on aurait dû repêcher Simon Gagné pendant ce temps-là. Jason Ward, je me rappelle même pas de lui. Il était mauvais. Ben, c'est pas... ben, tu t'en rappelles pas parce qu'il a pas probablement joué. Il a joué, bref, ouais. Quelques ça, années. Ça, là, ça, c'est la faute à Pina. Ah, regarde, ici, j'ai un point ici important écrit par Marc-Antoine Grondin. Quand on pense que les sénateurs d'Ottawa, avec le 12e choix, ont réclamé Marianassa tout de suite après oh, tabarnak, Jason Ward. Tabarnak, tu m'y es su? Oui, ça, c'est dans l'air Réjean Houle. Et puis, qui était le recruteur? Pierre Maudou! Je l'avais dit qu'il avait repêché de la barre dans son temps. C'est ça qui a repêché Jason Ward. Le repêchage pour le Canadien s'est placé avec Trevor Timmins. Le prochain, je m'abstiens. Pourtant, plein de monde qui chiale dessus. Et voilà. Calisse, le slacky Timmins. Là. Tout le monde chiale sur tout. Il faut chialer dans la vie. Hein. Oh, c'est ben ça, oui. C'est sur, ça qu'on fait ici. Surtout hockey. C'est le sport national, c'est pas le hockey. C'est le chialage. Le hockey. C'est clair. Avec on a le droit de chialer, Chris, on paye cher en sacrement pour billet. Tu vas même pas voir de game. Après ça? Le prochain, c'est, je le dirais pas genre en mauvais propos, mais Georges Larrac. Ouais. Il a porté le 17. J'ai fait peur de vomir. Non, j'ai roté. Ça a l'air d'un vomi. Georges Larrac, excusez-moi, je peux-tu dire des affaires qu'on peut censurer plus tard? Ah, quel... Non, mais on censurera rien. Nous autres, c'est 18 ans et plus. Ben... OK, ben premièrement, Georges Larrac porte penses. Le numéro 17 parce qu'il dit bon, la malédiction pour moi, il n'y a rien là. Mais Georges Larrac, excusez-moi. Hey, il a dit en entrevue, je l'ai déjà vu dire qu'il n'aurait jamais dû porter ce chandail-là. Ça se peut-tu? Bon, regarde, Benoît Brunet m'avait averti que ce numéro-là portait malchance. Se souvient l'ancien colosse. L'ancien colosse, Marc-Antoine Grondin, je sais pas si tu le sais, mais Georges Larrac, il avait un défaut de fabrication en partant qu'à 5 Montréal. Quand il se battait, il avait mal au dos en partant. Puis c'est Chris de Fax qui envoyait sans Wi-Fi. Là, excuse-moi, tabarnak. Larrac, t'es un hostie trou de cul. bref, Larrac. Non, mais je le connais pas. Ça se peut qu'il nous écoute en ce moment, Larrac. Il n'y a rien à faire, là. Monsieur parti vert. Là. Mais non, ouais, mais monsieur qui se fait poursuivre par tout le monde parce qu'il crosse tout le monde. Cette semaine, il y avait des rumeurs que Larrac s'en allait avec les Oilers. C'était quoi ça? D'après moi, il s'en va rejoindre. Oh mon chier. Dieu, j'espère qu'il va avec les Oilers puis qu'il va se faire tabasser. J'aimerais tellement ça. Moi, je pense qu'il s'en va rejoindre Brashear. Un Brashear qui passe 2 minutes 45 sur le cul en Suisse. Là. Ouais. Brashear. Mais il n'y a pas personne qui touche à vedette là-bas. Tremblay, il avait traité de nègre en direct de non, Larrac, ça. Ah, Brashear. Ah, oh, ouais. Wow. Ouais, mais on est sur le nègre, on tourne sur le bas, tu sais. Vous avez pas vu ça? Non, hein? Tremblay. Oui, puis il y en a un qui en Tremblay. Parle. Mario. Tremblay. Mario. Pour vrai? Ouais. Ah, ouais, Larrac, sur le bas, mon nègre. Non, pas Larrac, Brashear. Ah, Brashear. Ils sont tous pareils, ils sont tous à la même couleur, sacrément. Mais le Tremblay, là. Tremblay. Tremblay, premièrement, c'était une pratique au Colorado, puis Alain Crête le précise très bien pendant les 25 ans de RDS. Il y en a des plus pâles, il y en a des plus foncés, là. Ouais, on peut dire que Larrac, sa mère était peut-être blanche. Non, c'est pas ça, ouais. Brashear, ouais. Peu importe, Brashear, ça a l'air que tu jouais du bouillon, pilote, t'étais bouillon, bien bon, puis t'as reçu. Bouillon, il est... Ouais, Bouillon, c'est un indien. Bouillon, son père, était-tu noir? Son père, c'est un haïtien. C'est un haïtien, son père. Ben oui, mais pourquoi il est. Pourquoi on s'entend-tu que Bouillon, ben, c'est un nom haïtien, là? Fait que Bouillon, un père haïtien, une mère francophone québécoise. Ouais. Un teint orange. Puis il est né à New York. C'est pour ça que t'es brisé. Ah! Puis il est né à New York. J'étais un New Yorkais, ce gars-là. T'es un métis, ce gars-là. C'était un hostile mêlé. Ouais. Lui, il connaît Paulo Coelho. C'est-tu Coelho ou Coedo? Tu nous mélanges. C'est Coelho, comme couille, mais en brésilien. En tout cas, pour finir sur la malédiction des 17, René Bourque. Pis tu veux que je fasse des sangs à mon kid? C'est un Christ de bon livre. Pour ceux qui veulent s'instruire, L'alchimiste de Paulo Coelho, c'est un Christ de bon livre. Ah, mais Dave, t'as le temps. Ton kid, il est même pas né. Ton kid est dans le salon en ce moment, dans la belle tableau. Dis que moi, que je joue à Injustice devant mon gars de 2 ans et demi, puis il capote quand je crisse une volée à Superman, puis qu'il y a du sang qui revole partout. Il est comme. Fuck you, Kal-El. On l'aura dit. Mais René Bourque a porté le numéro 17, puis il a commencé avec le numéro 27 dans ses débuts dans l'ère Gautier. Wow. Et puis ça a vraiment mal été par la suite. On peut dire que René Bourque, c'était un flop total. Et à part en playoff l'année passée, c'est la seule affaire qu'il a bien faite. Ouais, dire que c'était vraiment bizarre ce moment-là. Mais la troisième période là, depuis une couple de podcasts, c'est comme la période à mallette. Là. Ouais, Jeff, ça fait ça aller ici. Cheers avec la bouteille de Jameson direct. D'habitude, quand on chine, faut que tu boives une shot. Ben alors, pas de ça, là, mais. La bouteille est fermée, en tout cas. Ok, puis après ça, il y a eu Eric Tangredi. Tangredi qui est présentement avec le La seule affaire que t'as faite de correct, c'est que t'as couché avec Subban dans la même chambre, mais après ça, t'es nul. Non, c'est vrai, il était co-chambreur dans le junior. Ah oh, ouais! Personne ne le savait. Commentaire qui nous sert à dire que Tangredi ne sert absolument à rien. Ben, commentaire qui nous sert à finir le segment et à passer à Around the NHL. Monsieur Tangredi. Around the NHL. Tangredi, t'es pas. Yes. Alors, faisons le tour de la Ligue nationale. Avec un petit peu de brou dans la voix. La Ligue nationale. La Ligue nationale. Paul McLean a été congédié par les Sénateurs d'Ottawa. Le Morse. The Morse is out. Est-ce quelqu'un qui a dit genre, ça serait peut-être bon que tu te rases? Non, non, je pense que tout son charme passe par sa moustache. Là. Y a-tu du charme? Selon ce que j'ai entendu dire à Ottawa, c'est depuis le départ de Daniel Attretson. Selon ce que j'ai entendu dire, il se ramasse une coupe de morceaux de maïs dans la moustache une fois de temps en temps. Ah ouais, lui, c'est genre à manger genre corn on the cob. Là. Non, ben corn on the cob. Le gars, il a des fourmis dans la moustache, c'est sûr. Oui, il doit avoir un nid de Milo dans le cul aussi, lui. Mais ça a l'air que depuis le départ de Alfredson, Paul McLean aurait tendance à pas respecter ses joueurs. Ben, je suis surpris. De toute façon, il est plus là, il n'y a plus de job. Alors, check. Voilà, ça fait le tour pour Paul McLean. Va chier, Paul McLean. Ouais. Il y a eu un record. On a parlé tantôt, un record de tir de barrage entre les Panthers et les Capitals. 20 rondes de tir de barrage, 11 buts. Quand même, c'est le record de la Ligue, ça, je pense. Ouais, le premier record appartenait à je me souviens pas quelle équipe. Fait que j'ai l'air d'un hostie de cave, genre. Fait que s'il y a eu 20 rondes, mais ça veut dire qu'il y a eu 40. Ça s'était rendu, je pense, à 17 ou dans ce coin-là. Mais 20 rondes, c'est 46. Il y a 20 rondes. Ça a duré 17 minutes. Attends, 20 rondes. Ouais, c'est ça, 20 rondes. C'est, en fait, c'est 20 tireurs de chaque côté, man. Fait c'est 40 ça. Personnes. Ils ont passé le banc au grand complet. Ça fait tout un à show. À partir pareil. De combien? Ouais. À partir de combien de tireurs tu peux ramener des tireurs qu'on a déjà tirés? Maudite crise de bonne question, ça. On le sait pas. Question... On le sait pas, puis on le saura. Voilà. La question concours cette semaine, la soirée du podcast. Combien de tireurs avant participer, de... gagner, rien! Hey, respect. Question aux fans, combien ça prend de gars pour que le gars y revienne? Si vous répondez à cette question-là... C'est pas comme une jante. Shot de Jameson. Je favorite votre tweet. Ah, ça vaut du respect. Ça vaut du respect. Le Jeff veut qu'on fasse un autre shot de Jameson. Ah, attendez, vous m'ouvrez ma bière, là. Ouais, Jeff, faut qu'il prépare son chaser. Sans effet. J'ai compris, je vais vomir ma bière. Non, faut jouer ma bière parce que sinon, je serais pas capable, là, les gars, je vais vomir. C'est ça, je vous disais, il avait vomi quelque part. On va boire notre shooter de Jameson. Moi, je vais alors, le boire comme un gladiateur. Santé. Ah, voilà, alors, c'est bien passé. Et voilà. Même pas de chaser, ici, boys. Si, là, je me sens comme Mike Ribeiro. Alors. Le prochain sujet dans la Ligue nationale, on pourrait faire un quiz avec ça. Alors, cette semaine, qui a les oreillons dans la NHL? Sors ton petit micro mince. Ouais. Alex Alipo! Non, c'est pas vrai. Non, fait que Crosby a eu les oreillons. Je pense que vous avez tous vu la photo avec les grosses bajoues de Crosby. Il avait la gueule à Jean Oga dans Chris Family Guy, là. Style, Quagmire, le gars qui se crosse, là. Ouais. il avait la gueule à Quagmire, man. Ça n'a pas de sens, vraiment, les oreillons. Je savais pas que c'était ça partout. Je pensais que les oreillons, c'est un rapport avec des oreilles. Crosby a été shooté pour les oreillons. Les oreillons. Shooté pour les oreillons. Avant Sochi. Il a été vacciné? Ouais. Avant Sochi? Avant Sochi. Avant d'être malade? Avant Sochi. Non, mais quand les Sochiens sont allés aux Olympiques, les joueurs étaient shootés pour les oreillons. Mon Dieu, parce que genre Corey Perry était là aussi, puis lui avec les oreillons, puis ça a commencé par... Oh, mais lui, mais lui ça part des Ducks, je pense, les oreillons. Là. Ça part des Ducks, Brian Allen. Les Ducks puis les Sabres, ça a l'air sont vraiment affectés par ça. Là, on partira pas des rumeurs ici, t'as soir. Là. Non, c'est vrai, il y a un article dans la presse écrit par des journalistes expérimentés. C'est sûrement fiable, ça. Sûrement Marc-Antoine Grondin. Je te call out, aussi. Ben oui, Marc-Antoine Grondin. Ça passait par un joueur des Ducks. Après ça, ça a été transféré par plusieurs joueurs par après, puis là, c'est rendu... Non, mais ça, faut savoir que les oreillons, c'est transmissible par voie, par l'air, dans le fond. Sexuellement. Là. Sexuellement, par l'air, la salive et tout ça, mais c'est vraiment dans l'air, d'après moi, qu'ils sont passés c'est ça. C'est fucké, parce que comment que Pittsburgh aurait pu avoir une épidémie d'oreillons dans leur chambre? Ouais, parce que là, il y a eu Fleury qui a été testé pour ça aussi. Il a été out une game ou deux, je pense, Fleury, pour les oreillons. Crosby, on a vu sa face. Plein de joueurs de la Ligue ont eu les oreillons. C'est un... Olimata, le gars qui revient... Simonac Gagnon. Olimata qui revient de se faire enlever des tumeurs cancéreuses. Pogne les oreillons, esti! Simonac. Ça, c'est Simonac. Grave, Anassi. Il est pas chanceux, ce gars-là. Hein? Non. Imagine si sa femme l'a trompé. Hey, une chance qu'Obama a fait de Obama Brothers. Avec Brothers. Brothers, il pogne les oreillons, ça paraîtrait même pas parce qu'il est tellement gros. D'ailleurs, hey, les gars, aparté, avez-vous vu le but hier que Brothers s'est fait scorer? Le but. C'est bon, ça, aparté. Le but hier que Brodeur s'est fait scorer de la ligne bleue. Il y a eu comme un rebond. Ça y a passé par-dessus ses épaules. C'était dégueulasse. Je l'ai pas vu, mais il a fait un hostie de beau save. Ah, mais ça, là. Prends ta retraite. Ouais, c'était vraiment là, dégueulasse. Là. Le gars, tu sais, de la ligne bleue, il y a un rebond mauvais sur la glace, puis ça y passe par-dessus l'épaule, puis il se fait scorer. Là. Chris, Martin Brodeur se fait scorer de même. Là. C'est Brodeur, si t'aurais pu ta retraite. Quand tu étais dans la finale de la Coupe cette année contre les Kings de Los Angeles, je t'aurais respecté. Mais aujourd'hui, je peux te dire une chose, c'est un esti-cave. Continue de longtemps de même te faire. Non, attends, là, c'est quand même, tu sais, je veux dire. Non, mais, Brodeur, non il a joué deux ans de trop. Là. Deux ans de vie. Oui, il a joué. Oui, huit ans de trop. Mais non, j'exagère. Après la finale de la Coupe, il aurait dû prendre sa retraite parce qu'après ça, l'année suivante, Corey Schneider s'est amené au New Jersey. Corey Schneider a pris sa place. Puis Brodeur, quand il se faisait scorer, il pétait son bâton. Qui? Après, Brodeur pétait son bâton. À la Tucaras, là. Oh, mais Tucaras, il n'est pas capable. Le pire, c'est que je pense qu'il pétait son bâton comme le gars d'un boy. Il n'était pas capable de le péter. Fait qu'il faisait son. Brodeur, t'as 42 ans, t'es rendu slow. Moi, il est chaud. Ta retraite. Il est chaud. Brodeur. Lapin? Puis GF. Pas latin. Ouais, je me sens le bras qui est léger. Là. Bon, regarde. Ça fait le tour pour les oreillons, je pense. Oui. J'aimerais maintenant qu'on fasse un aparté parce que Dave a mis le mot. Aparté, parlons Claude Giroux cette semaine. Ah, oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec okay, Giroux? Attends un peu. Monsieur Giroux. Faisons un recap des événements. Bon, Monsieur Giroux se mouche sur le chandail d'un arbitre. C'est-à-dire qu'il se mouche dans ses mains et s'essuie sur le chandail de son compatriote arbitre juste à côté de lui qui est un juge de ligne. Par l'idée, il le fait sur moi-même en ce moment. Oui. Mais je te flatte en réalité. C'est correct, c'est bien apprécié. Ça mon chandail, il est doux. Oui. Mais il s'est comme... Vraiment mouché son arbitre? C'est... Ouais, mais j'ai pas compris en fait, ça. En fait, il a comme, c'était comme juste avant de mise en jeu, il a comme enlevé son gant, il a comme sa glandait. Là. Ah, je sais pas ce qui se passe. Il a enlevé son gant, il a fait vraiment ça. Genre, il s'est pogné le nez solide, il s'est comme shaké, puis il s'est essuyé sur l'arbitre. Dégueulasse. Après c'est, ça. Pendant une épidémie d'oreillons en plus, lui, il se mouche à un ref. Là. Non, mais après, attends, ça finit pas là. Après ça, il pogne le chandail d'un autre joueur dans sa bouche, puis il tire dessus. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a liché un doigt de son gant. Hey man, il est sa grosse poudre, là. Non, mais c'est qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Ah, il est gelé, il est roux, esti. Ouais. Sami Zayn aussi, là. Non, mais vraiment, Giroux, c'est-tu le gars que... Giroux, Giroux. C'est-tu le gars que... Oh, shit! Hey, puis un gars qui a dans vingtaine qui s'appelle Claude, esti, que ça fait pitié, là. Hey, Claude! Moi, quand je pense à Claude, c'est un gars qui a des cheveux blancs. C'est j'ai un gars qui s'appelle Roger à ma job. Il est quel âge? Il est quel âge? 22 ans? Là. 29. Il nous écoute-tu? Roger. Je vais lui dire d'écouter ce podcast-là juste parce qu'on le connaît. Écoute-moi, là. Roger. Roger. T'es trop jeune pour avoir le nom Roger. Ouais. Oui. Mais il est super cool, par exemple. T'es super cool. Tu t'appelles Roger. Moi, je t'appelle Roger. Puis Roger. Je l'appelle tout le temps Roger. Aussi, Non, c'est Robert, ça. OK, Robert, je t'appelle Bob. Ton nom, c'est Roger. Robert, c'est Bob. Non, mais Rob, c'est parce qu'on parle de Roger, puis lui, il dit Robert, je t'appelle Bob. Ouais, tu vois qu'il est mêlé. Fais un shooter de Jameson. Je pense que Jeff va caler Nero tantôt, en tout cas. Fait que, ben, en tout cas, Giro est sans poudre, la belle bébé zone présentement. Là, fait que, non, mais vraiment, là, tu sais, les oreillons, là, je me demande comment ça se pogne. C'est pas par le savon, parce que le savon, ça se nettoie tout seul. Est-ce que les gars se passeraient pas les groupies de hockey? Des pas? Donc, parce qu'à la lutte, on appelle ça des pales. Des plots à hockeyeurs. Des plots à hockey, puis à la lutte, c'est des plots à lutteurs. Fait que c'est des pales. Hein, je sais pas, là. C'est-tu la même plot qui a donné les oreillons à tout le monde? Faudrait en parler avec Shane Corson, peut-être. Alors, check, c'est fait. Commentaire sur Shane Corson. Hey, l'autre fois, tu ramènes Shane Corson. Je me suis dit, Chris, moi, tout, je veux ramener un nom d'un vieux. Il y avait à l'antichambre avec Koivu, il y avait Brian Savage. Fait Chris parle. Tabarnak! Hey, Brian Savage parlait super parle bien français. Mais ben oui! C'est fou, Brian hein. Savage, et lui parlait super bien français. Je fais c'est une malade. Séquence de Brian Savage. Je parle français. Je suis un joueur du Canadien de Montréal. Bon, puis les gars, dernier point avant de terminer la troisième période. Dallas Eakins, congédié à Edmonton. Ben... Il était un tabarnak. Attends. Segment Inception, OK? Inception. McTavish, ancien joueur des Oilers. Mm. OK, ben je lis, c'est le tweet. OK, tu l'as. Vous m'arrêterez si je me trompe. Je vois comme ça, c'est un tweet que j'ai vu cette semaine. Alors, j'aime les Oilers. C'est pour ça que je te dis, attends un peu. Moment Inception. Alors, l'ancien capitaine des Oilers, Dallas Eakins. Excusez, McTavish. J'arrive dû m'arrêter, les gars, je me trompe. Ça part, mais on peut pas t'arrêter avant que tu l'aies dit. Laisse-moi les finir. Okay. Wow. L'ancien capitaine des Oilers, McTavish, devient coach, se fait congédier comme coach. Est engagé. Et ramené comme GM. Maintenant. Congédié. Renvoie le coach, redevient coach. Redevient coach. Inception, man. The fuck? Ça, c'est comme si on avait Réjean Houle qui perd sa job. Je veux juste ajouter à ça qu'il a perdu son premier match en tant que coach. Il a perdu ses deux premiers matchs en tant que coach. Mais c'est les Oilers, les gars. Aussi. Ouais, mais je veux dire, déjà là, en partant, il me semble que quand tu ramènes le DG en coach, on dirait que ça donne comme un boost à l'équipe. Je me rappelle, Gainey l'a fait genre 24 fois. Là. Gainey a gagné 3 games en 20 matchs. Hein? Gainey, quand il est revenu comme coach, a gagné 3 games en 20 matchs. Ouais, mais il me semble que quand il revient, d'habitude, tu gagnes le premier match. Ça arrivera pas à Edmonton. Non, Edmonton, c'est peine perdue. Non, j'ai Jordan Embry dans mon pot, puis ça me fait chier. Ben, imagine ceux qui ont Yakupov. Fait qu'en tout cas, le ménage. Le gars qui a pris Yakupov dans son pot, il est pas là pendant tout. Yakupov, 3 buts. J'ai tradé contre Tarasenko, moi. Yakupov, fuck off! Oh non, t'as pas fait ça! Ben oui! 3 buts en 29 games. T'as tradé Tarasenko pour Yakupov? Boys, non, l'inverse. Ok, fiu! 3 buts, Yakupov en 29 games. Galchenyuk, 3 buts dans un match. Et. Oh, voilà. Un shooter de Jameson. Ouais, avant d'aller faire les tirs de barrage, Jameson, tout le monde. Jameson, asti! Jenna! Santé, tout le monde. Voilà. Hey, à ce stade-ci, là, même plus besoin de Chaser. Direct. J'ai même pas eu besoin du début. À part début, GF, là. Ouais. Alors, check. Mais vraiment, là... Fait que les gars, le podcast est terminé, fait que je propose qu'on fasse les tirs de barrage, alors ce qui consiste aux questions du public. Questions du public. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Ouais. Je prends une petite gorgée de bière pour chaser, finalement. Mec, t'avais chier, cœur. M'ouvrir ma chimiste. M'ouvrir mon bol de Joliette, là. Mais au moins ça, Dave. Bon, alors... McTavish, il n'y a pas de porte. Ben justement, McTavish. Première question du public. Nous venons de Matt Labonté sur Twitter. Veut savoir... Que feriez-vous pour relancer les Oilers? Je vous permets de call out McTavish. Fuck you, McTavish! Je te call out! McTavish, je te call out, mais le gars que je devrais call out, c'est Kevin Lowe. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Président du club de Pérec. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer les Oilers? On callisse Kevin Lowe dehors. Moi, là. Kevin Lowe, t'as scoré à ton but à 86, puis on a gagné la coupe à cause de toi. Quoi? Moi, j'ai peur, man. Kevin Lowe, il a compté dans son but en 86 en finale de conférence qu'on défait. Wow, man, ça me dit de quoi, ça? Qui? En 80 combien? On était même pas. En 86, quand on a gagné la coupe. J'avais 5 ans. Qui avait 3 ans. Qui aurait été du but des Flames de Calgary dans ce temps-là? Je sais pas. Qui? Bon, c'est Sergei Barazin. Ben oui, Barazin. Toi. Barazin. Hey, moi, là, jamais entendu ça, moi les boys, là, je sais présentement, c'est pas le cas. Je pense que les... C'est un pas le cas ou un rigodon, c'est comme tu veux. Un pas le cas. Je pense que présentement, l'équipe la plus poche, c'est genre les... Les Oilers. Les Oilers, ben, c'est Caroline puis Oilers. Là. Ça joue entre les deux, là. Ouais, mais je pense que la Caroline sont un petit peu mieux parce qu'ils sont bien coachés, mais les Oilers, ça fait dur. Cette semaine, Caroline, t'es en arrière des Oilers, mais là, ils sont à un point d'avance. On s'entend-tu que c'est pas une grosse avance? Ah non, mais tout ça pour dire que j'ai peur. De? T'as peur de quoi? J'ai peur. Ouais? Je veux pas que les Oilers repêchent McDavid. Avec un mec poulet? Ben moi, honnêtement, ça me dérangerait pas parce que McDavid jouerait dans l'Ouest. Moi, ça me dérangerait parce que ça serait un talent gaspillé. Non, mais... Puis ça me fait chier parce que... Non, mais... Talent gaspillé, oui, mais... Nugent Hopkins, talent gaspillé. Pour l'instant, il va peut-être finir par sortir mieux. Eberle, talent gaspillé. Taylor Hall, talent gaspillé. Yakupov, talent gaspillé. Je suis rendu à 4, là. Puis je suis sûr qu'on peut en sortir d'autres avec les Oilers. Ah, oh, mais ça pourra pas Justin durer. Schultz. Ça peut pas durer éternellement, ça, là. Ça va peut-être se placer, ouais, ça arrête, mais là. Ces gars-là resteront pas tous avec les Oilers. Non, ils vont tous partir, ils n'auront pas le choix. Qu'est-ce que ça pour toi, Dave? La rumeur que... Cette semaine! C'est là qu'on se rend compte que la bouteille de Jameson est vraiment descendue pas mal, là. Pour ceux qui nous écoutent, il en reste pas gros de Jameson. Attends, on va la montrer. T'as mal à grise la tière, si. Moi, puis Jeff, on va le finir après le podcast, là, mais. Yakupov contre Heller, tu le ferais-tu? Non. Heller, Yakupov, peut-être, le pire. Yakupov, non. Oh, mais t'as dit tout à l'heure qu'Heller faisait rien de bon. Yakupov. Non, excuse, c'est Emeline qui parlait. Non, mais surtout que toi, t'es un fan de Heller. Je me posais la question. Toi, Dave, t'es bandé Heller, dans le fond. Ouais, c'est solide. Oui, Heller, mais vous parlez de mon winner. Lars Heller sexuel? Lars Eller sexuel, autant je suis fan d'Eller, je ne l'échangerai pas contre Yakupov. Ben Yakupov est vraiment un cas risqué. J'aurais juste quelque chose. Je fais l'avocat du diable. Yakupov a joué avec Galchenyuk dans le junior. Puis les deux, c'était incroyable. Ouais, mais Yakupov, tu as-tu vu les sourcils, man? Ah, il ressemble au gars d'American Pie. Stifler? Non, pas Stifler, le père. Là. Le père. Ok, ouais. Eugene Levy, ouais, man. Eugene Levy, ici. Je sais son nom, ici, man. Ok, wow, ben, prochaine man. Question du public, les gars, de Kevin Bergeron. Muffin Bergie sur Twitter veut savoir top 3 des meilleurs journalistes à suivre sur Twitter. Ah, mon Dieu, il n'a pas top, gros. Ok, top Kevin, m'a dit une affaire. Pas de journaliste francophone. Non, vrai, Chris. Non. Oh, Jeff sur le doigt. Non. Premièrement, j'en vois chier toutes les journalistes francophones parce que votre opinion vaut pas de la merde. Mais par contre, je vais dire que... Moi, j'aime bien Chantal. Pour répondre à ta question... Bon, mais Chantal, à part ses gros totons aussi, elle dit pas grand-chose. Mais... Dave a dit pas un podcast. Les journalistes, non, je l'aime, Chantal, la réalité. Non, pour être sérieux, dans le fond, les journalistes vraiment qui sont intéressants, c'est Darren Drager, Bob McKenzie et Pierre Maguire. Eux autres, t'apprends. Ouais, Bob, moi, Bob McKenzie est vraiment solide. J'ai pas Lebrun, là. Lebrun, il est comme correct. Ouais, là. J'avoue que Pierre Lebrun, il fait partie. Le prof? Ouais, c'est le prof. Le prof bof? Le prof bof, ça, c'est Marc Labrèche. Hein. Ouais, non, le Pierre Lebrun. Yalan de la Grenouille? Pierre Lebrun? Je t'ai tout dit, là. Pierre Lebrun, là, le gars, le TSN. Là, ouais, le, il est frais parce qu'il parle en français. Okay, mais je trouve qu'il ressemble à Guillaume, ce gars-là. Man. Pierre Lebrun. Pierre Lebrun. Il est comme un Pierre Lebrun ou Pierre Lebrun? Qui, là? Comment? Oh, mais là, tu parles de Guillaume que personne de Soirée du Podcast connaît parce qu'il est toi, pas ça. Toi, tu le connais? Oui, mais bon, ça, mais c'est juste pour les fans de la jasette, Guillaume. Oh, mais ce podcast-là, c'est comme un podcast qu'on jase en boys, en chums. Le monde qui nous écoute, on hey, se rend calice en réalité. C'est le Jameson qui parle en ce moment. Hey, hey, hey. LeBron! Ok, fait prochaine question du public de Matt Labonté. Paye-toi, Jean Labbé. Sur Twitter, qui veut savoir... Attends, on devrait peut-être faire le top des journalistes qu'on devrait pas suivre. Ok, numéro 1 à ne pas suivre, François Gagnon, femme ta gueule, calice. Okay. Tu es dans jaune, François Gagnon. Pour... Simonac, non, non, mais François Gagnon, on dirait que sur Twitter, il cherche. Je pense qu'il parlerait qu'il mange des toasts le matin au beurre de peanut puis il pluguerait Simonac dedans. Son patois, c'est Simonac et il plug dans tout. C'est avec le petit mot. Dans tout. Dans tout. Hey, François Gagnon, fais tes crises de blog sur le golf, esti, parce que t'es pas intéressant. Est-ce qu'on est ben trop chaud? Ok, ok. Non, ben, prochaine question, ok? Ouais, allez-y. De mettre la bonté. Il veut savoir quel est le plus grand risque pour les Habs à long terme? Le plus grand risque, ne pas gagner la coupe. Non, le plus grand risque, ça serait de ne pas faire confiance aux jeunes. Je suis d'accord avec ça, par exemple. Je suis d'accord. Le plus grand risque à Montréal, c'est... Les blessures. Non, mais à Montréal, on dirait, je sais pas pourquoi, mais chaque année, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même calisse d'affaires, c'est... J'ai perdu mon bout. J'ai perdu mon train of thought. On fait confiance aux vétérans? Non, mais j'ai l'impression qu'à Montréal, on dirait que... Attends, ça va m'en revenir. Non, mais... Hey boy, OK. T'sais, genre, patiner, là. Fait qu'on va dire une affaire. Le fort des podcasts, c'est pas une bonne idée. Okay. En tout cas, juste la dernière... Un faux post-mortem. Au post-mortem, ça va être bon. Hein, on boit notre peine. Ben, le risque à long terme, risque... fond, moi, pour moi, les blessures, là, ça, ce qui pourrait nuire le plus aux Canadiens à long terme, c'est les blessures. Les blessures, oui, je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est parce que c'est un petit peu dur à expliquer. C'est un peu comme l'aisance. C'est comme se dire comme tout va bien. Le Canadien, présentement, est genre... Hey, dans une genre de zone de confort. Ouais, genre, c'est ça que je cherchais. C'est pour ça que ça sortait pas en réalité. Je sais pas parce que j'ai bu trop de génie. Là. Ben, voyons donc. Tu sais, le Canadien, présentement, on est quand même... Si on parle de la Ligue au complet, présentement 5e dans la conférence de l'Est. Dans notre conférence à nous autres, on est combien? 5e si on parle pas du wild card. Non, mais dans notre division à nous autres, on est combien? Division, je vais aller chercher ça. Nous autres, là. Dans le wild card, on est 3e dans l'Atlantique. Quand même, hein? 2e dans l'Atlantique. C'est pas méchant. Non. Sauf que dans la Ligue, présentement, on est aussi placé généralement au total, là, on est 8e, ce qui est crissement bon. Dans la Ligue, ça? Dans la Ligue. Quand même. C'est sur 30 pas équipes. Mauvais sur 30, là. Puis tu sais, sur le papier, on n'a pas une fait équipe si oui, bonne que ça, là. Comme tu as dit, ce que je cherchais depuis tantôt, le... Tu sais, zone de confort. Le Canadien, on dirait qu'à chaque année, c'est ça. Quand que le Canadien performe, j'ai l'impression qu'il rentre dans une zone de confort puis qu'à un moment donné... On se met à perdre puis il y a un slump. Ça se met à perdre. Non, mais je te comprends parce que... chier dans la pelle, man. Habituellement, le Canadien gagne contre des gros clubs. Là, on est en hiver, c'est dans la pelle. Ouais, mais on a perdu contre les Ducks. C'est un gros club. Fait que... Je pense que le Canadien, c'est un peu comme inconstant. On peut gagner... Tu sais, on a gagné contre les Hurricanes, OK? Exemple. On a battu les Hurricanes. Tout va bien. Tout est beau, esti. Une game facile. Mais on va perdre contre, esti, genre les Sabres. Ouais, deux fois en plus. Deux fois. Ouais, mais les Sabres ont gagné une bonne séquence après avoir gagné. À cause d'une zone. Bonne séquence. On a starté leur séquence. Hey, dis que... Il y avait 6 matchs de... 6 victoires en 20 matchs. Gigretsin, il mène sur le... Gigretsin, un litonier, mène sur le pôle des votes pour le match des étoiles. Hey, les hosties de laiton, là. Fuck you. Hey, c'est pas parce que vous avez joué une game serrée contre le Canada que vous êtes bon aussi. Ben oui, non, vous l'avez perdu. Est-ce qu'on passe à la prochaine question? S'il n'y avait pas eu leur gardien, il aurait chié dans la pelle. Moi, je dis qu'on passe à la prochaine question avant qu'on soit tout trop chaud pour parler. Bonne idée parce que mon micro est en double. OK, prochaine question du public. Nous venons de Dominique Bourret, alias Papa Cassette de Rétro Nouveau. Ouais, il nous pose une question pour nous autres. Ouais, il dit maintenant que Galchenyuk est à jour au centre du premier trio et qu'il attends, a fait... peux-tu dire ça, mais s'il te plaît, en mettant des virgules dans tes phrases? Je vais me mettre de la salive dans la bouche. Blablabla. Ok, alors maintenant que Galchenyuk a joué au centre du premier trio et qu'il a fait un tour de chapeau, pensez-vous qu'il devrait rester là et devenir le premier centre du CH? Ben je vais te dire... Est-il prêt? Puis Dom, il dit, moi je dis que oui, comme vous l'avez si bien dit, il close les jeux. Ok, je vais dire une chose. Pas... Oui, oui, oui, mais pas parce qu'il a fait un tour de chapeau. Parce qu'il est bon? Parce qu'il fait le travail, puis c'est pas avec 3, 4, 5 games que tu vas le voir. Ben non, mais tu vas voir le potentiel du gars. C'est à long terme, puis à long terme, moi puis JF, on le dit depuis le début, yes, Alex n'est pas content. High five. Alex, il était pas content, mais gars, il a donné son mais plus il est à Galchenyuk. Non, mais il a donné son plus à Galchenyuk sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'il était d'accord avec nous autres dans un sens. Moi, là, je te call out, Alex. Galchenyuk au centre. Galchenyuk au centre en tabarnak. Pas cette année! Galchenyuk au centre, premier centre. Dernier, deux, troisième centre au mieux. Pas plus, là. Puis, garde, ça va bien de même. C'est... Galchenyuk, Chris, c'est un joueur de centre. Il a joué centre tout son junior depuis longtemps. Je vois pas pourquoi on le verrait pas centre puis il jouerait pas centre dans la Ligue nationale. C'est le temps d'apprendre. C'est le temps de genre monter un nouveau step, carrément, là, puis d'atteindre À Montréal, là, il y a une affaire, là, il faut arrêter d'être frileux. Là. Ben oui, c'est qu'à Montréal, ils sont frileux. Faites des erreurs, puis ils vont apprendre, ils vont devenir bons. Je le dis, je pense à chaque crise de podcast, à Montréal, ils ont peur d'avoir peur. Donner la chance au coureur, puis quand il va se planter, enlevez-les pas, rétrograde-les pas sur le deuxième, troisième trio. Faut pas punir les jeunes sur leurs erreurs. La patience. Mais à Montréal, on n'est pas patient parce qu'il faut faire les séries. Je suis curé de ça. Bon, Jeff, ressort le doigt. Terrien, sacrement, sois patient, colisse. Non, mais vraiment. Non, mais là Terrien, présentement, nous démontre qu'il donne la chance justement à Galchenyuk. Puis je suis content. Il a compris. Il est mieux de comprendre. Je l'ai ici sur un autre soundboard, là, ici. On file pendant que JF, il pointe son doigt dans ma face. Il est mieux de comprendre. C'est pas contre toi, là. Il est mieux de comprendre. Terrien, t'es mieux de comprendre. Hey, Terrien. Il est mieux de comprendre. Merci, Terrien. Va au centre, puis pour revenir à ce que tu disais, je pense que Galchenyuk, j'ai toujours comparé son cheminement à Tyler Seguin. Tyler Seguin à Boston, il a joué à l'aile. Ils l'ont rarement mis au centre. Puis quand il s'est fait échanger à Dallas, il joue au centre. Puis là, on a vu ce que ça donne. Ça donne le meilleur marqueur de la ligue. Fait que Galchenyuk au centre, oui! Mais on parle pas juste du meilleur marqueur de la ligue. On parle du meilleur pointeur puis meilleur scoreur présentement. Là. Ah, oui. Donc, total de points. Il y a 20. Puis Galchenyuk a 20 ans. 20 ans! Hey, Galchenyuk, c'est notre futur au CH, là. Nous n'avions que 20 ans. RBO. Hey! Je te casse l'autre. Question de même. Guy Lepage. Galchenyuk, capitaine. Amène-nous à tout le monde en parle. Qui, quoi? Capitaine Galchenyuk, je suis pas sûr, par exemple. Non. Ok, je dis ça de même. Non. Super vedette, oui, capitaine. Pense pas. Je pense pas que chaque super vedette d'un club devrait être le capitaine. Je pense pas que. Je regarde Galchenyuk. Pour moi, là, pour vrai. Je le vois comme une super vedette. Je le vois pas comme le capitaine. Moi, je le colle tout de suite. Le prochain capitaine, ça va être Gallagher. Ben, toi, tu colles la même affaire qu'Alex a collé. Non, mais je suis d'accord avec Alex. Gallagher. Ouais. Il y a le gros contrat. Pourquoi pas? Peut-être. Sinon, Malhotra, c'est ça qui parle en chambre, selon 24CH. Il parle français. T'es francophone, il achète des pleurs à le capitaine. Malhotra, je bois ça. Bon, Dave boit ça. Alors, bon. Avant d'aller au prochain sujet, j'ai un commentaire de Marc Bergevin ici. Hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. J'ai un peu eu la chance de jouer encore dans ce podcast-ci. Alors, moi, voilà. Les boys, là, j'aimerais dire que j'ai un rêve chaque soir. Ils ont des gros tontons. Hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. OK, il reste trois questions de public. Chantal Maccabée. Joël Richard veut savoir, est-ce que ça vous inquiéterait de savoir... que les Oilers pourraient repêcher au premier choix, aller prendre un autre aspect. Je l'ai dit tantôt. Comme avec David. Ouais. Oui, man. Oui, ben, c'est qui a dit ça? C'est Joël Richard. Joël Richard. Moi, ça c'est lui, c'est sa question. Sur Facebook, moi. Mais la réponse, c'est oui, man. Ça nous inquiète-tu que ça arrive? Ça m'inquiète en tabarnak. Ben moi, ça... Un gaspillage de talent. Moi, non, ce que je veux, c'est qu'il soit pas repêché dans notre division. OK, non, mais on parle pour le bien du hockey, là. Sérieux, là, GF, là. Ouais, parle raison, pour, pense au bien du hockey. Si ce gars-là est repêché par les Oilers, gaspillage total. Complètement, là. Total, là. Complet, il là. S'en va, man. Il va rentrer dans un mur, man. J'ai une question. Es-tu meilleur que tous les gars qui ont été repêchés avant? Probablement. Bizarre pour toi, là. Quand Crosby a été repêché pour les Pingouins, est-ce que les Pingouins étaient forts dans ce temps-là? Non. Sauf qu'ils n'étaient pas dans un gouffre comme les Oilers. Oh, les Oilers, c'est terrible. Les Oilers, c'est profond parce que les Oilers... Attends, là, les Oilers, là, le trou est béant. Oh, shit! Oh. Je sors des gros mots. Prochaine question. Et je suis sur mon 8e shooter. Alors, il nous reste... 8? Je sais pas. Il nous reste deux questions du public, alors... On va finir avec un. Jeff, tu peux peut-être préparer les shooters pour la fin du podcast pendant que je vous dis les deux dernières questions. Il y a Sébastien Richer qui veut savoir, est-ce que Brianna Denolo devrait chanter à tous les matchs du CH? La réponse est oui! En bikini. Tant qu'elle chante dans mon micro que j'ai des culottes. Alors voilà. Tant qu'elle chante en double. Non, mais vraiment, là, tu sais, Ginette Renault a fait sa job, mais Brianna... Ah non, mais Chris, là, tu compares Ginette puis Brianna. C'est ça la différence. Ben, t'aimes-tu mieux la voix ou t'aimes mieux le J'allais dire, t'en as une que les boules, t'en as une que la voix, mais les deux ont les boules. T'sais, tu veux-tu celles qui tiennent ou celles qui sont vraiment aux genoux? J'aime mieux celles ouais, mais qui moi, tiennent. Je dirais plus, t'en as une que du coffre, t'en as une que... Moi, je vais faire un shooter pour Brianna. Brianna, if you don't understand French, I like you in English. C'est clair qu'elle me découle en ce moment. Ah, c'est n'importe quoi. OK, on va finir avec la dernière question. I like you in English. Question de Nick Chalifou qui veut dire, qui nous dit en fait, selon Joe Bernier... Lui, ce qu'il dit, là, c'est... Honnêtement, ça me passe comme... Regarde. Non, mais au dernier podcast, je l'ai callé out puis il m'a challengé à NHL 94, fait que je vais le prendre au mot, mais... Sa question, selon Jonathan Bernier... Qu'est-ce que c'est, JF? Nick Chalifou, t'es tout le temps commenté nos affaires, t'es un fan régulier. Il vient de le call out comme étant un fan régulier. Ok. Il l'a call out, mais. J'ai callé out genre. Positivement. Ouais. C'est rare. Selon, ça prend les positifs. En tout cas, ce qu'il nous a écrit, c'est selon Joe Bernier, Nelson Mandela a été un des grands joueurs. Oh, ben, on n'en a pas parlé non, de ça! J'ai regardé pour ça. Fait que, ok. Il dit, lui, il dit. Il dit hey, préparez ben, votre prochaine demi-heure attendez, parce qu'on va parler de Jonathan Bernier. Attendez. Fait que Nick nous dit, personnellement, il dit, moi, j'ai jamais vu jouer. Selon vous, les pros, était-il le meilleur joueur que Gretzky? Ben oui! Et est-il dans votre top 10 de tous les temps? Ben oui! Finalement, s'il avait été avec le CH, pensez-vous qu'il aurait été qu'il aurait appris le français? Non, non, attends un peu. Nelson Mandela. Le meilleur athlète meilleur, de tous les temps. Meilleur marqueur du Canadien s'il est signé. Clairement, là. A.K.A. Morgan Freeman! Tabarnak. OK, ben écoutez les gars. Non, mais attends un peu, on arrête pas ça là. Non, c'était la question. Bernier, t'as-tu ton secondaire 5? Je pense pas. Sérieusement, là, je veux juste dire une chose. Ouais, vas-y, Dave. En fait, je veux dire deux choses. Deux choses. Ça fait quatre avec tes doigts, là. Non. Première chose. Oui. Comme Michel Mario. Numéro 1. Yeah. Un beau fuck you. Ah, c'est sans fort, ça, tabac. Numéro 1. Premièrement, Bernier. Ouais. En tant que. OK, on va expliquer un peu le contexte. Ils ont fait un hommage. En fait, ils ont fait une commémoration. À Mandela. À Mandela, à Toronto, par rapport au fait que, bon, ben, c'est un homme de crise de. Crise de renommée, là, tabarnak, ben ouais, ce gars-là. Ce gars-là s'est battu non. pour le droit de l'homme. Il est frais, des... si. Hey, lui toi, t'es un homme de peu de mots, man. Lui et Rosa Parks, là, même combat. Hey, l'autre, et tout, le Quedo, là. Quedo mallette. Non, pas le Quedo, l'alchimiste. Pas le Quedo mallette, ça avait. Non, non, mais ça. Ils ont fait une commémoration pour Mandela pour le fait qu'il était mort puis que Chris il a apporté beaucoup à la communauté. Non, il s'est battu là, le gars. Il s'est battu pour le droit des noirs. Il a droppé les gants pour la cause des noirs. Il a droppé les gants puis il a fait beaucoup. Ok, première chose, si tu t'en vas à un événement commémoratif de quelqu'un puis tu sais pas c'est qui. Tabarnak. Ok, c'était pas un gueule! Renseigne-toi. Lui, il est allé là pour ça, là. Joe lui, Bernier. Bernier, ok, c'était organisé par les Raptors, je pense. De Toronto. Les Raptors. L'équipe de basket. Puis, il y avait des joueurs des. Il y avait des joueurs des Leafs qui étaient invités, dont Bernier. Tu t'en vas là, renseigne-toi, savoir c'est qui, juste un petit peu. Non, mais en partant. Deuxième. Tu sais pas c'est qui Nelson Mandela, okay, tabarnak. Je suis d'accord. Deuxième point. Il n'y a pas un genre un agent de presse ou quelqu'un qui le coach, lui, genre pour dire ben, quand peut-être. Tu vas devant la caméra, dis telle affaire. Adam Bernier avait des excuses. Adam Bernier. Non, mais attends, on n'est pas rendu là encore. OK, allez-y. Il n'y a pas un genre un agent de presse ben, ou quelqu'un qui lead hostie dans ce qu'il va dire. Pas pendant ce temps. Je m'excuse, là, mais tabarnak, avant qu'il y ait là. Tu t'en vas dans un événement de Mandela, ils vont parler de Mandela. Ce gars-là, là, il a fait ci, ça. Hey man, fais une recherche, tape À la limite, Wikipédia. Mandela Wiki. T'es réglé pour la soirée, man. Le Wiki Mandela, man. T'es réglé, man. T'as pas besoin d'aller plus loin. Mandela Wiki. Moi, t'as dit, Dave. Qu'il faut. Mais voilà, t'es réglé. Moi, t'as dit, moi, tu réponds bien aux, tu réponds bien aux questions des journalistes. Puis t'as pas l'air d'un hostie de con, man. Je veux dire, je connais. Je suis pas un professionnel de Mandela. Non, mais. Mais je vais pas aller répondre que Mandela, c'est un joueur de hockey, tabarnak. Je vais pas dire. Je vais pas aller dire, tabarnak, que Mandela. Ah, il était. Hey! He was a model in and off the ice. De quoi tu parles, man? Voyons donc! Il y avait même pas de noir qui jouait au hockey dans ces années-là, esti, anyway! Je vous rappelle que Bert n'a pas de secondaire 3. Ah, oh, hey, non, honnêtement, je m'en calisse, man. Je m'en calisse. Non, c'est vraiment un peu honteux, donc, pour vrai. C'est honteux, puis c'est triste en même temps, parce que, man... Il était sur la poudre, esti. Ah, Bernie, ça a ça me choque, man. T'as même pas besoin de connaître Mandela, man. T'as juste besoin de te renseigner, man, pour savoir qu'est-ce... Je m'en vais dans un événement, tabarnak. Je m'en vais pas dans l'événement pis te dire comme... Ah, oh, ben, je m'en vais dans un événement mondain pis je sais pas où ce que je m'en vais. Non, mais le pire, c'est que je savais pas que j'étais dans un événement. Je pensais que c'était comme en dehors de la glace avant une game. Non, man, c'est dans un événement, ça, man. Ça fait que la nouvelle est encore pire. Il était nerveux, nouvelle, selon ce qu'il a dit après. Il a dit que c'était pas sa langue maternelle. Tabarnak! C'est quoi, tu t'es trompé dans tes mots? Hein? Ah. Tu voulais pas dire off the ice, tu voulais dire off bon, the c'est bon. Bernier, t'étais pas instruit. Non, ça, ça sent la fin du podcast parce que Jeff est piqué de parler puis de call out le monde en ce moment. Non, mais vraiment, Bernier, là, son problème, c'est qu'il est pas instruit pantoute. Mais son problème, c'est que lui, il a pas fait de rêve. Il n'a pas fait de rêve, c'est-tu parce qu'il peut boire cette boisson. Hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. Que Mandela jouait au hockey pour le Canadien. Ouais, c'est ça qu'il a rêvé. Je capote, là, on prend-tu un show. Ouais, mais justement, c'est la fin du podcast, messieurs. Gros épisode de Noël qu'on vient de faire là, à 3, je pense. J'aurais un point à rajouter, les gars. Vas-y donc, GF, c'est le podcast. Parce que vu qu'on fait le podcast du temps des fêtes puis que c'est la fin de l'année. Oh, les grelots! Je me chèque les couets d'eau, man. un point positif à dire. Dans le fond, qu'est-ce qui vous a marqué en 2014 pour commencer? Puis qu'est-ce qui vous a vraiment là, genre déçu en 2014? Qu'est-ce qui m'a marqué? Moi, ce qui m'a marqué, man, c'est que Sony annule le film The Interview, man. Ça m'a marqué en tabarnak, man. Non, la Corée du Nord, quand mange la marge, laisse ça. Je pour The Interview. Ben vas-y, Jeff, on va y aller pour la fin. Là, qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Mallette? Moi, vraiment, ce qui m'a marqué, ce que je m'attendais pas en tout, c'est que le Canadien se rend en finale de conférence. Chris, oui, hein? Ça, vraiment, on s'en attendait pas en tout. Puis j'étais agréablement surpris. Puis je pense sincèrement que si Price n'aurait pas été blessé par le crise de cancer... finale de coupe. Crider. Je pense qu'on aurait été capable de battre les Kings. Je pense que... Ben, les Kings, je sais pas. Les Rangers, probablement. Les Kings... Ça aurait dépendu. J'ai confiance en notre club. Non, mais t'as confondu le King Lundqvist avec les Kings, peut-être. Hey, Lundqvist, c'est pas le King, c'est la princesse. Puis ouais, quand il laisse passer un mauvais but, il y a une petite chevelure de. Non, mais pour. Il est tout à bien peigné. Mais oui, mais tabarnak, j'aimerais ça avoir ses cheveux, man. Pour Lundqvist, par exemple. Tu dois faire une tailleur. Je t'avais d'être clairsemé, puis esti. Lundqvist, je suis pas capable. Lundqvist, là. Oh, mais on n'est pas tous latinos comme toi avec Dave, une chevelure. Dave, t'as même pas les cheveux blancs, arrête ça. Aussi. Ouais, mais Chris, pas grave ça. Non. Le Lundqvist. Non, mais. Hey, sérieux, moi, ce qui m'a marqué pour 2014. Oui. Jeff Molson. Chris, de bon président, ça, pour vrai. Non, vraiment. Je l'aime bien, Jeff Molson. High five là-dessus. Yes! Fait une bonne job, le gars, il s'est poussé la moustache pour le. Raison pour un autre shooter. Moi, le prends, moi, le shooter. Shooter, let's go. Ah ouais, Dave, come on, shooter pour Jeff Molson. Pour pour sa classe. Attends un peu. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? T'as pas roté du Jameson. Non, j'ai roté de la bière, man, en brou. Je vais dire, Jeff, effectivement, pour sa classe... Pour sa moustache au mois de novembre. Sa moustache est fraîche. Moustache, là. L'hommage à Béliveau, ouais. L'hommage à Koivu. Ah, il fait bien la job, pour vrai. Bravo, ah man. Ouais, c'est Jeff, c'est George. Jeff, une on boit ta santé là-dessus. Ouais, Jeff. Ah! Dave, qu'est-ce qui t'a marqué en 2014? Qu'est-ce qui m'a marqué en 2014, je vais dire? Je sais pas, là. Écoute. Je vais avoir de nostie vendu, là, mais... Ah non! Galchenyuk au centre. Oui! Ah, yes! Ouais, ouais. C'est vrai, ça. Pourquoi? Parce que... Asti, je pense que l'année passée, j'en parlais. De mettre au centre, ça se peut. Je suis sûr qu'on réécoute les podcasts de 2013-2014. Je suis sûr que j'en parle. Puis je suis content de le voir là, man. Parce que Chris, je pense qu'il y a sa place là. Puis ça va changer le visage. Mais c'est sa position naturelle, ça, je pense, c'est au centre. Avec toi. Hein? C'est la position naturelle à Galchenyuk qui est au centre. Ouais. Fait que mettez-les là, tu sais. Ouais. Enlevez-moi d'arnais. Il y a tellement de choses qui auraient été bon à dire, mais je voulais juste pas dire la même affaire que vous autres parce que si vous êtes boring. Puis ben écoutez, négatif en 2014, le double discours du Canadien de faire confiance aux jeunes puis de ramener des vieux et des croutons comme Allen. Là. Soyez conséquents dans ce que vous dites. Là. Les jeunes ou pas les jeunes. Là. Ouais. Bon, c'est mon point. Ça, c'est nos plus moins de l'année, genre. Genre 2014, ouais. Ça que ça inclut comme une demi-saison puis des playoffs. Moi, j'aurais un prix pour le trou de cul de l'année. Si vous me permettez, je vais caller out quelqu'un. Il ressort son doigt encore. Le doigt n'aura jamais été utilisé de même. Peter Cicciarelli, des Bulls de Boston. Oh. T'as gagné la coupe en quelle année? 2012. It doesn't matter where you won the cup. T'as échangé Blake Wheeler pour des peanuts. T'as échangé Tyler Seguin pour des peanuts. Tyler, t'es un asti de sans dessin, tu devrais perdre ta job, ton club des est en déclin. Peanuts. Chara, c'est un bum. Il est rendu mais vieux. Il est fini, Chara, là. Il est fait en peau de cristal. T'es un asti de lait. Boston, c'est fini. Montréal, number one. Ouais. Les Big Bad Bruins, c'est fini. Number one, dire, peut-être pas. 2011, non, les Bruins. Non, Montréal, c'est 2011, les Bruins. T'as-tu un moins 2014, toi? Moins 2014, Tangerine, man. Tangerine, Tangradi. Tangradi. C'est ton moins de l'année. Non. C'est boire, hein. Non, mais c'est parce qu'on dirait que c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est plus récent, en tout cas, mais moi. C'était une like a Scryder, au moins. Non, mon moins de l'année à Titi, man. Jeff, fais-le un shooter, question qu'on finisse le podcast. Oh mon dieu, j'étais plus capable. Ben, au pire, moi, on va le prendre. Moi, le prendre, moi aussi. Un moins. Il n'y a plus de bouchon! Mais c'est parce qu'il est à côté. Ton moins, ouais. Mon moins, Chris. Je dirais moins. Chris, je sais pas, man. Y a-tu beaucoup... un gars dans la ligue qui t'a marqué? Bourque? Genre qui t'a fait chier. Le temps est pas, le gars, c'est à la poudre. C'est ouais, man. tu m'as servi là, GF, là. Hey, il t'a servi un Jenna solide, là. Parce que quand c'est là, Jenna, je suis pas fou dans les gars. Chris, même plein de mains, tu peux la mettre où si tu veux, man. Gracieuseté de Brossard Chevrolet qui paye la bouteille. C'est eux qui nous fournissent. Ben, hey, on vous colore positivement. Allez vous acheter un Acadia. Brossard Chevrolet, le plus grand dealer au Canada. Check out qui vend sa shit, là. Hey, es-tu mangé de merde, man? Qu'il vend l'or? J'espère que le monde n'écoute pas ça, man. Tu vas perdre ta job. Non, mes boss sont fiers de moi. C'est parce qu'il t'écoute pas. Le pays, c'est qu'il m'écoute. Ah, c'est bon. Ouais, Dave, fais ton moins qu'on fait juste un podcast. Mon moins, man, mon moins. Apart and Grady, c'est qui? Chris, ben c'est parce que j'essaie de chercher plus général, là. Tu me perds, man. Fait que pas de moins 2014, Dave, juste positif. Moins 2014, ben... Dans la ligue. C'est parce que 2014, je peux pas prendre ce qui s'est le passé. Le moins en 2014, les oreillons. C'est what the fuck, là. Non, on est primaire. Jeff, toi, t'as raison. Yes. Le moins 2014, je vais le donner à Chris. Kreider? Non. Chris Kreider? Ben, ça serait un bon moins, mais je vais le donner à... La dernière, non. Tortellini, man. Oh! Tortellini, man. Le gars qui a signé avec les Canucks pour genre quoi, 4 ans? 4-5 ans, on a fait le même? 5 ans. Puis qui a perdu sa job après une saison. Tortorella, fuck you. Un coach qui présentement dans la ligue, selon moi, est dépassé. Ah, vraiment, le gars qui crie après tout le monde, là? C'est peut-être pas le plus gros moins que j'aurais donné, mais c'est le premier qui me vient en tête là. Tortellini, man. Ferme ta gueule. Je te call out avec le doigt que j'ai pas dans la main présentement, mais que je vais avoir dans quelques instants. Et voilà le doigt du Canadien qui se fait Tortellini, aller. Tortellini, mon esti de mangeur de tabac. Esti de mangeur de baluste. Voilà. Tortellini, une sorte de. Non, je l'aime pas. J'ai jamais aimé ce coach-là. J'aime pas son attitude. J'aime pas rien. Puis la preuve, c'est que ça marche plus dans la ligue. Il est plus là. Ben, sur ça, les gars, ça fait le tour de l'épisode 6. C'est ça. Ouais, t'avais toujours chose ou. Non. Le point positif de l'année. Ben, je l'ai dit tantôt. On l'a tout fait déjà. JF, t'es perdu rare, là. JF, on est rendu ailleurs. Le point positif de l'année. Noël arrive bientôt. On va déballer des cadeaux. Hey, on va être en congé de podcast. Hey, faites jouer le film interview. Sony College. Sinon, écoute, au Molon. Au Molon 2. Écoutez, Marv, c'est l'électricité après des robinets. Puis, c'est tellement bon. Au Melon, c'est un classique. Tapez-vous des ciné cadeaux pendant le temps des fêtes, les gars et les filles qui nous écoutent, peut-être. Là. Je pense que c'est plus des gars qui nous écoutent. Il y en a sûrement des filles. Hey, appelez-les rouges. Surtout que ton corps, Chantal Lacabé, il doit avoir plein de filles qui nous écoutent. Oui, Chantal Lacabé. Elle apporte du 2D, c'est sûr. Chantal Lacabé. Chantal Lacabé elle-même. Là. Non, mais on va donner à Chantal ce qui revient à Chantal. Ben, tu sais, à des gros tontons. Fait que sur ça, les gars, je propose qu'on fasse un shot final de Jameson pour conclure le podcast. Puis, ben, tout le monde, on se revoit en 2015 pour la fin de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. Moi, je bois à Chantal. Alors, pour Chantal, cheers tout le monde. Et puis, joyeux Noël et bonne année tout le monde. Et c'est l'épisode 6 de la soirée du podcast. Bonne année, Chantal. Go, Kenya.